Le Before Party Fun sur Fun Radio, on peut faire un gros big up à Adrien Thomas qui est revenu de Marseille pour mixer ce soir. Ouais. Il a tout fait tout seul puisque moi je me baladais dans les couloirs en écoutant l'émission. Et je peux te dire, Adrien, que mon son préféré ce soir c'était le Martin Solveig, comme plein de gens sur les réseaux sociaux. Voilà. Et bah génial. Ça va pas trop chaud? Si. C'est pour le Vin Fun que je m'inquiète surtout. Non, on est là, tout va bien. C'est-à-dire qu'il est parti du studio parce qu'à un moment il dégoulinait parce qu'on a un petit problème de climatisation. Ah, c'est nous ici, on a la clim. Mais vous êtes des sportifs, vous, le Vin Fun, le doc et tout. Voilà. Alors tu vas voir. Elle marche 10 minutes et après. C'est la surprise. Ah non, mais alors je vais vous dire tout de suite, dans notre studio, la clim, elle ne fonctionne, mais pas du tout. Ah, voilà. Pas du tout. Ah, mais alors, moi, on va dire aux auditeurs aussi pourquoi ce problème-là n'arrive que quand il y a la canicule. Non, mais c'est sérieux. Parce qu'il fait très chaud, c'est normal. Eh oui, elle travaille davantage. Ah, mais d'accord. Donc elle est cassée. Ah, oui. Merci le doc pour cette info. Ah bah, le doc a bossé. J'ai rien dit, moi. Il a bossé là-dedans, hein. Les climatiseurs, tout ça, il connaît bien. Les thermomètres, il connaît bien. Il a tout fait. Hein. Les thermomètres aussi, oui. Ah oui. Bah, c'est un médecin en même temps. Hein. Eh oui. On y va. C'est là qu'on y va. Hein, voilà. Allez, ciao. Allez, c'est parti. In Fun. Ouais. Ouais. Et tout à l'heure minuit, je recevrai Loge 21. C'est des jeunes DJ français. Voilà, à pas louper tout à l'heure à minuit. Bisous les amis. Bisous. Inou, on est parti. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Salut tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio. Love in Fun, ça commence. On est très content de vous avoir retrouvé. Oui. Parce que c'est vrai qu'on n'était pas là hier, fête de la musique et tout. Bien sûr. Il y avait un grand concert Party Fun Live avec Martin Solveig à Marseille. C'était un événement de dingue. Ce soir, on passe toute la soirée ensemble, libre antenne, au 01 42 48 5000. Content de retrouver Doc, bien sûr. Bonsoir Doc. Ah oui, en pleine forme. Tout va bien. Il fait très beau, n'allez pas vous plaindre, non? Non, mais t'as pas galéré pour dormir hier, Doc? Non, moi pas du tout. Mais t'as la clim chez toi en fait, non? Hein? T'as la clim chez toi? Même pas. Même pas? Non, ils sont déconnés. Non, tout va bien. Ah ouais? Bah tu nous donneras ton secret. La nuit. Ah, et tu nous donneras ton secret parce que sans déconner, Alice, t'as réussi à dormir toi? Absolument pas. Il faisait 33 degrés dans mon appartement hier, donc non, c'était une horreur. Ah, j'ai une info. J'ai une info, c'est le jour du mois de juin le plus chaud depuis 1945. Eh ben. Voilà. Bah, rien que pour ça, vous faites bien d'écouter. Ici, vous apprenez plein de trucs. Hein. Cassim a pris l'area, Geoff est en congé tranquille. Et puis, bien sûr, on vous attend là au standard nombreux 01 42 48 5000. Lucas, notre auditeur du soir, qui est déjà avec nous. Salut, Lucas. Salut. Salut, Karel. Salut, Ali. Salut, le doc. Ça va? Salut. Alors, Lucas, tu vas faire de la radio avec nous pendant 2 heures. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça te fait plaisir? Ben écoute, vraiment, parce que je t'écoute depuis que je suis tout petit en fait, depuis que je rentre dans les voitures, mon père me fait écouter quand même. Au berceau t'as écouté? Ben voilà. Voilà, tout à fait. Il a grandi avec nous, c'est beau. Lucas, tu vas te faire un kiff ce soir. Déjà, tu commences par choisir la musique, qu'est-ce qui te ferait plaisir toi? Un petit Cachemire, ouais, ce soir, ça serait pas mal. Back to me. Le son de la teuf sur Fun Radio, Cachemire dans un instant. On écoutera aussi Jonas Blue dans l'émission avec Mama. Mais alors qu'est-ce qui se passe? DJ Khaled et Justin Bieber aussi dans l'émission I'm the One. Et Lucas, tu sais qui s'occupe des réseaux sociaux toute la soirée? Ouais, révise, reviens à la prochaine session. T'es recalé. Oh, c'est merde. Alice. Alice, mais oui, c'est moi. Qui est sur les réseaux sociaux. Si vous voulez envoyer des messages, bien sûr, le Facebook, le Twitter, le Snapchat, Love in Fun Radio. Et on accueille Mickaël qui est avec nous. Il a 18 ans, il est de Lille. Bonsoir, Mickaël. Salut. Salut, Karel. Salut, le doc. Salut, Alice. Salut à toi, Mickaël. Tu nous appelles pourquoi? Je vous appelle parce qu'en fait, hier soir, je me promenais tranquille sur Bazookam. Parce que j'aime me taper des petits délires là-bas. Ouais. Et voilà, j'aime bien voir les petits seins et tout. Et j'aime bien voir les petits seins sur Bazookam. Alors Bazookam, pour expliquer, c'est un site internet où on se connecte de webcam en webcam. Hein. Voilà. Et voilà. Et en fait, je suis tombé sur ma sœur hier. Mais non. Oh non. Sauf qu'elle est en couple et voilà. Mais qu'est-ce qu'elle faisait sur la webcam? Elle était habillée, donc je sais pas du tout. J'ai vu ma sœur. En plus, à un moment j'ai eu un doute, mais j'ai vu son papier peint, j'ai vu genre sa chambre et tout. Elle est à côté en fait, la meuf. Ouais. Elle a quel âge ta sœur, pardon? 22. 22 ans. Maud. Elle est majeure. Ouais. Hein. Bah oui, ouais. Elle fait ce qu'elle veut. Et en même temps, toi, t'y vas bien. Pourquoi elle irait pas, elle? Bah oui. Et elle ouais, t'a vu parce aussi. Parce qu'elle est en couple. Et ouais, alors, mais elle est en couple. Et alors, c'est pas, on a le droit d'aller sur Bazookam Peut-être qu'elle communique avec son mec, avec Bazookam. Bah peut-être, ça se trouve. Bah, je sais pas, mais est-ce que c'est possible de l'appeler? Bah oui. Ah, tu veux lui coller la honte. Tu veux la confronter. Hein. Mais oui. En plus, elle était pas à poil, parce qu'encore, tu m'aurais dit, elle était en train de se faire des petites choses, tu vois, mais là... Et c'est quand même le danger des réseaux sociaux, parce que ceux qui sont, voilà, où on dit des choses bien, ça va, mais ceux où... on s'expose un peu, il y a un danger de tomber sur quelqu'un de connu. Et en l'occurrence, là, c'est ta sœur, on va l'appeler, Michael. Il te faut des explications. C'est ça. D'accord, mais on y va, on y c'est va. C'est surtout que son mec, c'est un de mes meilleurs amis, donc voilà, quoi. Ouais. Okay. Je joue pas les pères à fouettard. En même temps, voilà, Bazookam. Oui. Allô, Maud? Ouais, Mika? Ouais, c'est moi, ça va? Ouais. Ouais. Bah, je t'appelle parce que, en fait, je vais pas te le cacher. Hier soir, je voulais me taper une petite branlette sur Bazookam et je t'ai vu. Et je voulais juste te demander, t'as oublié Jordan ou ça se passe comment? Déjà, Mika, tu vas redescendre. Déjà, ça m'est égal que tu ailles montrer ta queue partout sur Bazookam, je m'en fous. Mais c'est bon, enfin, tu te fous, tu te moques de tes, enfin, tu te mêles de tes affaires, quoi. Là, je suis désolé, Jordan, tu sais très bien, c'est un de mes meilleurs potes. Pourquoi t'es sur Bazookam? Alors, de un, tu vas te mettre tes affaires, bon, tu veux vraiment tout savoir. Tu sais très bien que ça fait un petit moment qu'on est ensemble avec Jordan. Bah oui. Tu sais qu'on se voit pas souvent. Bah oui. Bah, pour ta gouverne, on se donne rendez-vous sur Bazookam et bah, voilà, on se donne une demi-heure tous les soirs pour se trouver, mais je discute avec personne d'autre et encore moins lui. Donc maintenant, t'es au courant, t'es content? Oui. Eh bah oui, voilà, on a eu mes explications, mais... Juste. Je suis voyant, hein, j'avais ma boule de cristal. Bonsoir, Maud. C'était sur fond de radio. Direct. Bonsoir tout le monde, alors. Oui. Salut Maud, bienvenue dans Love in Fun. Voilà, Mickaël nous a appelé pour tout nous raconter. Bah alors maintenant, Mickaël, tu t'es collé la honte parce qu'on sait maintenant que tu te masturbes là-dessus. Et que t'as... Bah, en même temps, je ne l'ai pas caché. Hein. Oui, d'accord, mais sauf que ta sœur, c'est pas pour ça, c'est simplement pour parler avec son pote. Mais il y a d'autres moyens. Enfin, je veux dire, tu aurais pu passer par Skype, Maud, non? Ouais, mais non, enfin, c'est un jeu, on a quoi. Toujours, okay. Voilà, c'est ça. Vous ça fait un petit moment qu'on fait ça. Voilà, c'est ça. Tous les soirs, on se donne une petite demi-heure pour se trouver sur Bazookam. Et donc, on part avec personne, quoi. Juste, il y a un petit détail technique, c'est que tout le monde vous voit. Ah oui, non, mais moi, je montre rien à personne. Hein. Oui, il y a qu'à mon chéri, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis tu es habillé. Mais t'as pas reconnu ton frère? Finalement, tu l'as pas vu, lui? Ou alors, c'est vraiment qu'on voyait que sa teub? Non, non. Mais c'est ça que je comprends pas depuis tout à l'heure. Au final... Je vois tellement de teub que je fais pas attention. T'as vu celle de ton frère? C'était mon frère. Non, okay. Mais c'est franchement, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu te connectes là-dessus, tu vois 10 teubs pour une paire de seins. Hein, c'est à peu près le ratio. Ouais. Et encore. Ah voilà, Mickaël. Hein, à vouloir faire le salopard. T'as vu ce que t'as gagné? Hein? Bof. J'ai rien perdu non plus. Bon, en attendant, tu peux rassurer ton poteau Jordan. Il doit le savoir. Oui. Je lui avais rien dit. C'est pour ça que je voulais l'appeler pour avoir des explications. Et bah voilà. Et voilà quoi. Tu sais tout. Maud, désolé de t'avoir embêté. On va envoyer un pack de fun. Mais on va te l'envoyer qu'à toi. Vous m'envoyez des capotes quand même? Bah, il n'y a pas de problème. Des capotes, ça, on peut. Merci. On peut t'en fournir. Salut, Mickaël. Gros bisous. Salut Maud, à bientôt. Bisous. Eh bien voilà, nous savons enfin ce qui s'est passé dans cette maison. Cécile nous rejoint sur Fun Radio, 24 ans de Nantes. Bonsoir Cécile. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Bienvenue dans Love in Fun. Cécile, tu nous appelles pourquoi? Ben moi j'appelle parce que demain je vois mon mec un quart d'heure alors que c'est son anniversaire et du coup je suis complètement énervée. Tu voudras lui passer un petit coup de téléphone? Bah il est au boulot et il vaut mieux pour sa gueule. D'accord, on va en parler avec toi dans un instant. Martin Jensen, dans 3 minutes sur Fun Radio, c'est ce qui vous attend. Toute la soirée, appelez-nous au standard 01 42 48 5000 jusqu'à 22h, c'est Love in Fun. Suivez-nous sur Snapchat en tapant Love in Fun Radio. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Tiens, on vous demandait si vous aviez des surnoms un peu chelous quand vous étiez petit. Il y en a plein là qui arrivent avec le hashtag Bruno Fun Radio. Didier Evenmore qui dit: moi, on m'appelait chemin de fer à cause de mon appareil dentaire. Ah, putain, classique, ouais. Ça c'est un classique. Ouais. Mais ça c'est hyper cruel, tu sais, quand c'est au lycée ou au collège et tout, les surnoms qu'on peut te donner, franchement, c'est pas cool. Ouais. Moi j'ai eu parabole parce que j'avais les oreilles décollées. Moi j'étais la piste noire parce que j'ai un nez qui est tout tordu, alors du coup on m'appelait, parce qu'il a une bosse mon nez, on m'appelait la piste noire. Cela dit, j'ai déjà descendu ton nez à ce pas si facile. Bruno dans la radio. Bruno revient demain sur Fun Radio. Monsieur Afflelou, à la télé, on a tous vu la pub Afflelou. C'est Chin Chin ? Oui, c'est Chin Chin, mais Chin Chin spécial été fou. Ce n'est pas une, mais deux lunettes de plus pour un euro de plus. Mais c'est complètement fou ! Oui, mais c'est tellement plus utile. L'été fou chez Afflelou, ce n'est pas une, mais deux lunettes de plus pour un euro de plus. Et c'est jusqu'au 31 juillet. Voir conditions en magasin, dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Avant de déménager, avez-vous tout vérifié ? Le camion ? T'as oublié quoi ? J'ai oublié de louer le camion, mais c'est pas grave, on prendra le bus. Mais quoi ? Un bus, c'est comme un camion, non ? Les copains ? Allô ? Oh, vous êtes en Thaïlande ? Du coup, pour mon déménagement, je... Allô ? Et le gaz ? Ouh, mais il n'y a pas d'eau chaude ! Sinon, souscrivez en 5 minutes seulement sur particulier.engie.fr. Avec Engie, le gaz est à prix fixe pendant 3 ans. Offre de marché, voire conditions sur site. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Fun Radio présente Lollapalooza. Lollapalooza, le mythique festival américain, débarque à Paris les samedis 22 et dimanche 23 juillet à l'Hippodrome de Longchamp. Avec The Weeknd, DJ Snake, Martin Solveig, Don Diablo. Bonjour, je suis Don Diablo. Are you ready for this? Oliver Eldens, Alan Walker et bien d'autres. Plus qu'un festival, Lollapalooza, c'est de la musique live. Mais aussi des expos, du street art, de la gastronomie et des activités pour les enfants. Infos et réservations, point de vente habituel. Lollaparis.com et funradio.fr. Lollapalooza Paris 2017 avec Fun Radio, le son dance floor. Nouveau message urgent de Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, le forfait BNU 20 gigas est à seulement 1,99€ par mois pendant un an. Waouh ! 1,99€ pour 20 gigas ? Oui, mais seulement jusqu'au 27 juin. J'y vais ! Profitez de la qualité 4G Bouygues Télécom avec le forfait BNU 20 gigas à seulement 1,99€ par mois pendant un an, puis 24,99€. C'est seulement jusqu'au 27 juin, alors rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Aujourd'hui, comme tous les Français, vous passerez en moyenne 3h40 sur votre téléphone. Oui, 3h40. Et si aujourd'hui, vous preniez quelques secondes de plus pour répondre à un appel au don ? Pour soutenir le Secours Populaire dans sa lutte contre toutes les formes d'exclusion, faites un don par SMS de 5€ en envoyant don 5 au 9-22-22. Disponible uniquement pour les clients de Bouygues Télécom, Orange et SFR. Fun Radio présente le premier festival 100% électro du Sud-Ouest. Summer Sound Festival. Du 3 au 6 août à la Corderie Royale de Rochefort. Retrouvez sur scène les plus grands DJ. Martin Solveig, Don Diablo, Afrojack, Cashmere, Dylan Francis, Madeon, Felix J, Lumberjack et plein d'autres. Et le dimanche 6 août, Party Fun Live exceptionnel avec Florian Picasso, Henri PFR, Damien Hendrix, Klossmann, Adrien Thomas et Maeva Carter. Let's make some noise. Infos et réservations, point de vente habituel. Summersound.fr et funradio.fr. Summer Sound Festival avec Fun Radio. Le son dance floor. Soche présente. Chérie, j'arrive enfin à prononcer Soche. D'accord, c'est très bien ma chérie, mais essaie de dire c'est super cette promo chez Soche. C'est super cette... C'est super cette promo Soche. Comment ? Jusqu'au 26 juin, profitez du forfait 40 gigas à 9,99€ par mois pendant un an, puis 24,99€ par mois avec le code SUPER. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses ? Rendez-vous sur soche.fr. Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99€ par mois. Détails sur soche.fr. Pour EOVI MCD Mutuel, je ne suis pas un numéro, je suis entrepreneuse. Je suis Marion, 32 ans, gérante de société. J'ai créé ma marque de vêtements, alors une mutuelle mal taillée, c'est pas possible. Et ça, ils l'ont compris chez EOVI MCD Mutuel. Ils m'ont proposé une protection sociale sur mesure, sans garantie inutile, qui couvre exactement les risques liés à mon métier. Bref, elle me va comme un gant. Découvrez la protection sociale vraiment adaptée à votre métier sur EOVI-MCD.fr. EOVI MCD Mutuel, se comprendre mutuellement. 22h. Love in Fun. sur Fun Radio. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Merci d'être avec nous tout le monde. N'oubliez pas tous les soirs, défi fallait pas demander et plein de cadeaux à gagner avec entre autres des casques de réalité virtuelle Omido et le Blu-ray du film Alibi.com. N'hésitez pas à nous appeler pour jouer. Et voici Martin Jensen, Solo Dance. In the faded light, you touch my body. I can feel your hands on my skin. Think you got me right where you want me. But you're just in my way. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. Ayo, I go so, so low. Boy, you can cool it down. I hear the fool around. Just wanna dance, dance, dance. Dance, dance, dance. I know you want me, but I don't care, baby. Just wanna dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. In the shade of night, you're moving closer. We're on our way to cross the line. Think you got me right where you want me, but it's all in your mind. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. Ayo, I go so, so low. Boy, you can cool. Jensen, Solo Dance sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h, 22h. C'est Love in Fun sur Fun Radio. J'ai une vue, c'est pas possible, Cassim. On peut pas faire comme ça. Le mec s'est foutu torse poil. Ouais, ça il y est. Trop chaud. On y est. On y est, il y a un problème de clim, tout le monde à poil. Ouais, c'est bien. On va lire vos messages sur les réseaux sociaux et notamment sur le Snapchat de l'émission. Hein. Ajoutez-nous, c'est Love in Fun Radio. Il y a Samy qui nous envoie un petit message. Vous êtes au top, l'équipe, changez rien. La Routarde du 84 qui nous envoie un petit message, qui a besoin de notre aide. Samira, alors il faut que tu nous envoies un petit mail. loveinfun@funradio.fr ou tu appelles là maintenant le standard, hein, 01 42 48 5000. Il y a Gabin aussi qui nous dit, vous êtes les meilleurs tous les soirs. Gros bisous l'équipe. Merci à toi Gabin. Et puis je salue aussi Bolo, Boutruche, Léna, Thomas, Sky Blue et Tigre Léa qui nous dit qu'elle prend un brumisateur et c'est très efficace. Bah oui, quand on a chaud. Parce que je rappelle que quand il fait chaud comme ça, ce qui vous sauve, c'est la transpiration. Voilà. Donc il faut le savoir, et donc vous transpirez comme des porcs, donc il faut boire 3 litres d'eau au moins, ouais, pour continuer à bien transpirer et donc réguler votre température corporelle. Et je vous rappelle qu'en ce moment, d'ailleurs, dans les poissons, pour les poissons, c'est le drame, parce qu'ils n'ont pas régulé leur température. Dans certaines rivières, ils ont mis de l'eau fraîche ce matin. Ah ouais? Parce qu'effectivement, c'est trop chaud, donc ils peuvent mourir. Putain, pas du tout au courant, Doc. Merci pour cette info. Ouais. Et ben voilà, on apprend plein de trucs. Cécile est avec nous. Elle a 24 ans. Elle est de Nantes. Bonsoir, Cécile. Salut, Karel. Salut, Doc. Salut, Alice. Salut à toi, Cécile. Raconte-nous qu'est-ce qui t'amène ici. Ben moi du coup j'appelle parce que demain c'est l'anniversaire de mon mec et monsieur préfère aller à un festival plutôt qu'on soit ensemble. Ah oui. Qui fait que demain en gros je vais le voir 15 minutes et après je le reverrai que dimanche soir. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a à faire lui? Ah bah, lui, du coup, il va aller s'éclater avec ses potes à un festival. Et mais pourquoi il t'emmène pas? Bah oui. Ah, parce que moi, du tout, je suis pas du tout dans le délire de ce festival-là. Oui. Il le sait très bien. Ouais. Et c'est quoi ce festival? Bah, c'est un festival de campagne avec du coup différents artistes connus ou pas connus. Et puis, c'est chaque année à la même période. Bah ouais. À la période de son anniversaire, forcément. Bah bon, bah, c'est à toi d'y aller, non? Je sais pas. Bah non, je comprends que ouais, c'est peut-être à moi de faire l'effort, mais je vais pas non plus me forcer à faire quelque chose dont j'ai pas du tout envie, sachant que moi je lui demande juste une chose, c'est de rester une soirée avec moi, sachant que ça fait des années qu'il y va et qu'il ira encore pendant des années en fait. C'est son anniversaire. Bah oui. Tu lui demandes de faire un truc pour toi, mais tu peux pas faire un petit truc pour lui pour son anniversaire? Peut-être, mais pour moi non. Pour bien cadrer l'histoire, d'une façon générale, est-ce qu'il est attentif? Est-ce qu'il fait attention de sortir avec toi? Est-ce qu'il vraiment il porte attention à ce que tu souhaites, à ce que tu veux? Ou il est vraiment l'égoïste? Ah bon? Non, il n'est pas, pas égoïste, mais sur ce coup-là, moi je trouve c'est toi, c'est toi qui l'es un peu. Ah, bah ouais. Bah, je trouve pas ça égoïste de vouloir passer la soirée avec son mec qui a 25 ans, lui préparer à manger, Mais à tes conditions, c'est ça le problème. Non, et Cécile, elle pensait qu'on allait être de son côté. Mais il rentre quand? Non, pas du tout, au contraire, j'ai appelé pour savoir si j'abusais dans ma réaction. Oui, bien ou pas. Sûr. Il rentre quand? Quand est-ce qu'il rentre? Dimanche soir. Dimanche. Tu l'aimes vraiment? Bah oui, ça fait il rentre à quelle heure dimanche soir? Bon, je sais pas quand il aura déculé. Tu vas en venir où, Doc? De préparer une super fête quand il revient. Ouais, c'est vrai. Il sera mort. Non, on le fête le week-end prochain, son anniversaire. Ah bon, bah alors tout va bien. Mais va avec lui. Cécile, enfin. Oui, mais elle n'aime pas la musique. Mais ça lui fera plaisir. Il se dira que pour une fois, il pourra avoir les deux choses qu'il kiffe en même temps pour son anniversaire. Sa copine et le festival, c'est quand même un beau cadeau. Bravo, Alice. Bah oui, attends. Ah ouais, mais non. Eh ben voilà, Cécile, tu voulais savoir Cécile ce qu'on en a pense. Du caractère. Ouais. tu vas pas le tromper ou le plaquer pour ça quand même. Ah bah non, quand même pas. Non, je lui fais la gueule, je lui montre que je suis pas content. Et lui, peut-être qu'il va te tromper ou te plaquer pour ça finalement. Moi, ma meuf, elle se la joue comme toi, Cécile. Si ma meuf elle fait pareil, moi je la trouve chiante. Hein. Je me dis, putain, elle me fait chier. Ah oui, mais ça, elle le sait, hein, que je suis chiante. Ah ouais, d'accord, donc tu fais partie de ses copines chiantes. Bah oui. Je suis persuadé que pour toi, c'est ce qui fait ton charme. Exactement. Voilà. Bon, enfin, ça va un temps. Je veux dire, s'il est chiant tout le temps, 24 heures sur 24, au bout d'un moment. Non, mais j'ai des très bons côtés aussi. Il y a des filles qui sont persuadées que parce qu'elles sont chiantes, les hommes les aiment encore mieux. Et alors, t'es d'accord avec ça, Doc? Je pense que ça va un temps et après. Ouais, c'est ça. Il n'a pas compris, lui, là. Alice. C'est lui qui annonce le ou, il n'a pas compris ce que je disais. Bien sûr, lui, c'est le chiant numéro un, Kassim. Toi, Alice, ton mec te fait ça, comment tu réagis? Écoute, je sais pas, je m'en fous un peu, je pense que je réagirais pas mal. Moi je suis du style à aller faire la fête au festival, donc il y aurait pas de soucis. Bah voilà. Mais t'as raison de pas cacher le fait que tu sois chiante et de l'assumer pleinement. Après on est lisse sinon. C'est d'accord. Quand même sympa. Cécile, on a fait le tour, à toi de voir, mais moi je pense que la meilleure des solutions serait quand même d'aller au festival avec lui. Ah non, mais j'irai pas. Bon alors tu te plains pas. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Une soirée fille. Ouais, c'est ça, je me barre en week-end avec une copine. Bah ah voilà. Bon, et en plus, je vais pas rester toute seule à l'attendre. Et en plus, il est même pas jaloux. Non, par contre, ça, il est pas du tout jaloux, lui. C'est le mec moi, idéal. Oui, mais lui, non. Ah, en plus, le mec idéal, il a quand même des mauvais côtés. Hein. C'est pas la même personne aussi. Hein. Elle défonce son mec et tout, j'adore. Cécile, amuse-toi bien ce week-end. Essaie quand même de lui faire une petite surprise dimanche soir en rentrant, d'accord? Ouais, bah, je lui donnerai son cadeau dimanche, du coup. Allez. Et c'est quoi son cadeau? J'espère pas qu'il écoute. Hein. S'il écoute, c'est la merde. Bah, le dis pas alors. Ne le dis pas. Ouais, j'enverrai un message privé sur le Facebook comme ça. Okay. Alice, ça fera passer le message. ça marche. On te fait des gros bisous, Cécile. Gros bisous, bonne soirée à vous. Venez prendre du conseil ici sur Fun Radio. Hein. 01 42 48 5000. Denis est avec nous. Bonsoir, Denis. Bonsoir, Karel. Bonsoir, toute l'équipe. Salut, Denis. T'as 16 ans, t'es à Poitiers. Et toi, tu vas tenter le ça passe ou ça passe. C'est ça. Alors, elle s'appelle comment? Et vas-y, raconte. Bah, elle s'appelle Orlane et bah voilà, je suis en kiff sur elle depuis le début de l'année. Voilà, et t'as peur de te prendre un râteau, donc si jamais elle te dit non, on fera croire que c'était pour un canular à la radio où tu devais lui faire croire que t'étais en kiff sur elle. Voilà, c'est ça. Ça marche, c'est le deal, hein. Denis, dans un instant, le ça passe ou ça passe, le numéro de téléphone pour nous appeler 01 42 48 5000. Et voici DJ Khaled, Justin Bieber, I'm the one sur Fun. We the best music. At the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. No, you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. Truth, the money never lie, no, I'm the one, yeah, I'm the one. Early morning in the dawn, know you wanna ride now. I'm the one, yeah, I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. For the one, what bitch you looking at the one? I'm the best yet, and yet my best is yet to come. Cause I've been looking for somebody, not just any fucking body. Don't make me catch a body, that's for any and everybody. Oh my god, she hit me up all day, get no response. Bitch, you blow my heart, that's like turning gold to bronze. Roll my eyes, and when she on the molly, she a zombie. She think we Clyde and Bonnie, but it's more like Whitney Bobby, god forgive me. Told you FNS and I'm a legend. Straight up out the crescent, fly your bae down for the essence. For the record, I knew Colin when that ball was spinning records. Knew like game winning record. I'm just flexing on my asses. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah, I'm the one. Early morning in the dawn, know you wanna ride now. I'm the one, yeah, I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. Another one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. DJ Khaled, Justin Bieber sur Fun Radio. T'as peur de te manger un râteau? Allez, moi jamais sortir avec toi. T'inquiète, c'est le ça passe ou. Ça passe dans Loving Fun sur Fun Radio. Et s'il y a bien une période de l'année où il faut tenter le ça passe ou ça passe, c'est juste avant de partir en vacances. Ah, c'est en ce moment, les amis. Ça passe ou ça passe, c'est très simple. Vous êtes en kiff sur une fille, un mec, vous nous appelez, on l'appelle, vous lui dites que vous l'aimez bien. Et si jamais la personne vous dit oui, c'est génial. Si jamais la personne vous dit non, eh bien à ce moment-là, on se fera passer pour une radio où vous deviez faire ce canular, genre vous étiez amoureux d'elle, mais c'est pas vrai. Donc, ça passera de toute façon. Denis est avec nous. Bonsoir, Denis. Bonsoir Karel, bonsoir toute l'équipe. Salut, salut. Denis, t'as 16 ans, t'es à Poitiers. Ouais. Et c'est t'es ça. En kiff sur une fille. Exactement. T'aimerais bien partir en vacances avec elle. Hein? Si on veut. Elle s'appelle comment? Raconte-nous, quand est-ce que tu l'as rencontrée? Depuis quand t'es en kiff sur elle? On veut tout savoir. Alors elle s'appelle Orlan, elle est dans ma classe au lycée. Et voilà, je l'avais remarqué dès le début de l'année. Et puis T'as rien tenté. Attends, t'as mis un an pour te décider quoi. Ouais, si on veut, mais... Si, en fait, j'ai déjà tenté, mais c'est avec un... Il y a un copain qui le savait, tu vois, j'en avais parlé à lui, et en fait, il lui en a parlé, sauf que je voulais pas qu'il lui en parle. Ouais. Du coup, elle est au courant, mais on n'a jamais pu vraiment se parler directement, quoi. Ok, donc là, pour l'instant, c'est chou blanc, quoi, comme on dit. Hein? Voilà. Hein, je sais pas qui dit ça, mais ok. Ah bah, moi c'est chou blanc. Moi, quand j'entre en Bretagne et tout... Là. Le chou blanc. Donc, c'est chou blanc. Ah ouais, mais j'aime bien ces petites expressions qu'il faut remettre à la mode. C'est, t'as raison, c'est t'as important. Raison. Claquette chaussette et chou blanc, c'est le programme de cet été. Alors, Denis, on y va. On appelle tout de suite Orlan, avec qui t'as galéré depuis plus d'un an, sans jamais oser rien lui dire. Bonne chance. Merci. On s'appellera Radio Disco, si jamais ça marche pas. Allô? Orlan? Oui. Salut, c'est Denis. Oui, je m'en suis jeté. Ça va depuis hier? Oui, et toi? Nickel, tu t'es bien remis de la soirée? Ah oui, oui, tranquille. Hein. Voilà, je t'appelais, ça va pas être très long en fait. Hein. Je voulais juste savoir parce que en fait, on n'a jamais pu se parler tellement tous les deux. Mm-hmm. Et voilà, je suis passé par Théo, même si j'aurais pas voulu qu'il te le dise en fait, tu vois. Oui. Mais quoi, voilà, moi, en fait, je ressens beaucoup de trucs pour toi. T'es une fille qui me plaît et voilà, j'aimerais vraiment savoir si toi, de ton côté, c'est réciproque ou pas. Bah après, moi, je préfère trancher toi et tout, bah, plutôt que te mener en bateau, quoi. Enfin, vraiment, moi, pour moi, à la soirée, c'est un jeu. Donc j'ai joué le jeu et tout, mais moi, je ressens rien pour toi. Hein, je préfère être honnête. Hein. D'accord. Il n'y a rien. Puis même, je vois pas que ça arrive. Enfin, je veux dire, j'en ai pas et je pense pas que ça viendrait. Voilà, donc. Oui, d'accord, je comprends, en fait. Alors voilà, je vais pas te laisser. Bravo en même temps, elle a marché, hein. Bravo. On applaudit bravo. Denis, bravo. Bravo Denis. Bonsoir Orlan. Bonsoir. Vous êtes en direct sur Radio Disco. Radio Disco Mobile avec Boris, Natacha et Patrick Hernandez. Ouais, j'ai entendu le bip. Elle a raccroché. C'est quoi ces dingues? Attends, pardon, j'étais dans le personnage. Elle a raccroché. Allez, on la rappelle tout de suite. Ah. Mais que s'est-il passé? Allô Orlan? Oui. Orlan, vous êtes en direct sur Radio Disco, ça a coupé. Vous venez de vous faire piéger par Denis, c'était un canular. Vous allez bien? Oh bah oui. Eh ben voilà. Elle va mieux. Mais oui, mais elle a été surprise. Bah c'est le but du piège. Hein. Mais bien sûr. Alors je vous explique Orlan, en fait, Denis devait vous faire croire qu'il était complètement tombé red dingue amoureux de vous pour repartir avec son cadeau. Denis, vous êtes content, c'est gagné? Super. Et ben voilà, des cadeaux radio Disco avec le pantalon Padef, boule à facette, la compil radio disco, tout ça qui part chez vous à la maison. Est-ce que ça vous ferait plaisir si on vous fait un petit cadeau aussi, Orlan? Bah oui. Et ben voilà. Hein, vous attendiez pas ce canular, hein? Non, mais bon, ça m'arrange. C'est. J'ai l'impression que vous nous écoutez de temps en temps. Oui, bien sûr. Eh ben, ça fait plaisir. Une fidèle auditrice qui nous écoute régulièrement. Quel est votre animateur préféré sur la radio? Oh, je l'aime tous. Ah bah voilà, ça fait plaisir. Moi c'est Boris. Natacha. On vous fait des gros bisous, Orlan. À bientôt. Oui, merci. Au revoir. À bientôt sur Radio Disco. Radio Disco. Radio Disco. Des tubes, des boules à facettes et du disco. Bon, Denis, a priori, on a raccroché avec Orlan. A priori, elle nous écoute régulièrement. Ouais, elle nous aime tous. Ton animateur préféré, mais je les aime tous. Et c'est facile. Elle est gentille, elle voulait pas nous blesser. Ok, bon, alors Denis, pour le coup, là, elle a été claire. Hein, ouais, t'as bien fait de le faire. Voilà, Denis. Ouais, j'ai bien compris, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est bien d'avoir tenté. Il vaut mieux, à un moment donné, savoir plutôt que de rester sur quelqu'un et il va rien se passer. T'es fixé, maintenant t'avances. En plus, c'est l'été, tu vas faire des belles rencontres. Eh oui, tu vas où cet été, Alice? Moi, je vais à la Baule et à Nice. Eh ben voilà, vous savez où passer l'été, les bientôt, amis. Denis, on te fait une grosse bise, tu reviens quand tu veux, salut à toi. Salut. 01 42 48 5000, c'est Grégory là qui nous rejoint, il a 19 ans à Marseille. Bonsoir Grégory. Salut le doc, salut Karel. Salut. Ça va bien, en pleine forme avec toi. Grégory, tu nous appelles pourquoi? Moi, je vous appelle en fait parce que je suis fan des culottes de ma colocatrice et je suis ouf, quoi. Ok, d'accord. Le mec fait flipper. Restez avec nous, il va tout nous raconter. Mais juste avant, on va pouvoir mettre à fond Jonas Blue avec Mama sur Fun Radio, le son dance floor. Where should we run to? We got the world in our hands and we're ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay, I got the keys to the universe, so stay with me. Cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back. That's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where'd it all go. Cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey mama, we're gonna be alright. Drive to. We got a ticket that takes us wherever we like. We got our problems, but just for the minute, let's push all our troubles aside. Alright, cause we got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys, baby. La superstar Jonas Blue, Mama. Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Here we go. Tous les soirs en direct, hein, pendant 2h sur Fun Radio, en streaming live sur le site de Fun, funradio.fr. N'hésitez pas à les mater, passer une tête, hein, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, Love in Fun, justement, dans les studios. Il fait très chaud, hein. Cassim est même torse nu, ouais. Le réalisateur ce c'est soir. Horrible. Hein. Grégory nous rejoint sur Fun Radio, il est à 19h de Marseille. Bonsoir Grégory. Salut. Ouais, salut le doc, salut Karel, salut Alice. Salut à toi. Greg, il est en pleine forme, ça fait grave plaisir. Et tu nous appelles pourquoi, Greg? Ah bon, en fait, je vous appelle parce que j'adore sentir les culottes de ma colocataire, en fait. Oh, mais non, Donc, d'accord. Tu vas donc dans la salle de bain où là, il y a machine à laver. Tu vas dans le panier de linge sale, c'est ça ? Oh, putain. Ouais, c'est ça, en fait. Et donc, tu sors les culottes ? Oh, putain. Ouais. Et tu lui piques ou tu les remets ? Ah non, je les remets. Non, je les pique pas, je les remets. Et qu'est-ce que ça ? Alors, on va aller jusqu'au bout. Ça déclenche quoi, c'est chez toi ? Je sais pas, comme une excitation, on va dire. Bah, tu as une érection, donc. Non, enfin, ça dépend. Oh, elle est menteur, hein. Il autre, paluche, c'est sûr. Hein, est-ce qu'en reniflant les culottes, est-ce que tu te masturbes? Ah non, je ne veux pas jusque-là. Non, ouais, non, mais c'est vrai que ça. Et, mais ça bon, existe, alors, on va dire. Oui, d'accord. Et pour toi, c'est quoi? C'est une sensation forte, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, en alors, fait. Je vais te dire, bon, peu importe, hein, une explication rapide. Ouais, vas-y, Doc. Les odeurs ne sont plus à l'ordre du jour dans la sexualité. Or, les odeurs, chez tous les mammifères, et plus chez les animaux, encore présents maintenant, jouent un rôle essentiel. Chez l'homme, ça a probablement joué un rôle essentiel, et je rigole parce que je pense à Louis XIV, quand il allait se taper une petite bergère et qu'on lui lavait avant, il disait « Ah non, elle est lavée, j'en veux plus. » Oh putain, mais c'est horrible ça. Donc, les odeurs sexuelles existent. Ah, oh, mais ça pue être pour les hommes. Non. Bah si, si tu te laves pas oui, pendant ça, une semaine, ça pue quand même. Voilà, donc voilà l'explication que je peux te donner. Pour autant, il faut quand même que tu respectes ta colocataire, quoi. Est-ce que tu aimerais qu'elle renifle tes caleçons ? Bah non, quand même. Enfin, bon. Non mais, hey Greg, disons les choses, il y a des traces dans les culottes, non ? Ça dépend. Ça dépend, tu vois ? Non mais attends. En plus, il les observe. Non mais c'est surtout. Non mais parfois, il y a des journées difficiles. Qu'est-ce que t'appelles une journée difficile ? J'en sais rien, moi. Je renifle pas les culottes. Après avoir consommé un kilo de raisin, il se passe des choses, c'est ça ? Non mais bon, si je demande le caleçon de Cassim, là. Ah non, ne demande rien. Je pense que. Je te le donne, moi, si tu veux. Je pense que ça va sentir la pisse. Voilà, disons les choses. Et pas que. Mais pourquoi la pisse ? Vous avez un problème à pisser dans votre caleçon ? Non mais nous, qu'on les goûte ou qu'on les frite, la dernière goutte est pour le slip. Mais vous êtes impatient ou quoi ? Vous pouvez pas rester une seconde de plus, le temps que cette dernière goutte sorte dans les toilettes, bon. Et qu'on en finisse, c'est alors, dingue. Est-ce que tu vas arrêter d'importuner ta colocataire? Bah, je sais pas. Hein. Mais elle le sait pas, elle en plus. Greg, il y a du business non, elle à sait pas, faire. Non, non. Vends-les sur internet, tu vas te faire plein de thunes. Vends-les sur le net. Non, mais c'est vrai, en plus, il y en a qui font ça. Non, et franchement, Grégory, hein, respecte-toi un peu. Mais on n'a pas parlé de l'essentiel quand même. Ouais, c'est elle quoi est très jolie, ta colocataire, t'es amoureux, elle a un mec. Comment ça se passe? Non, ça va, enfin, elle est jolie, mais c'est en plus, quoi. Bah, ouais. En plus. Donc, tu te mais places. Je sais pas là pourquoi, ouais. Tu te maries bientôt. Ça procure une excitation que. Ah, bah, moi, oui. Je sais pas. D'accord. Bah, c'est normal d'être excité. Après, c'est normal. C'est normal d'être. Non, c'est pas normal tranquille. D'être attiré de façon, et c'est ça sa question, par une odeur sexuelle féminine. Oui, bien sûr. À son âge, ça n'a rien d'extraordinaire. Voilà. Ouais. Non, mais je suis sûr que t'es pas tout seul en plus à faire ça, Greg. Ouais. Bah, c'est bien le problème. Et il y a un vrai business. Ouais, ouais. Non, mais tu vas pas jusqu'à te palucher au moins. Donc ça, c'est pas mal. Non. D'accord. Non, quand même. Ça viendra. T'as envie de continuer? T'as envie de faire quoi? Parce que ça n'a pas de sens. Mais je sais pas, ça me dérange pas de continuer, au contraire, je prends du plaisir à le faire, du coup, je sais pas. Mais si on lui dit, tu penses qu'elle réagirait comment? Elle déménage? À mon avis, ouais, elle se barre. Tu te prends une baffe, quoi. Bah ouais, oh. C'est pour ça. Je prends une baffe et elle se barre. Et alors, dites-nous là, au standard, 01 42 48 5000, vous êtes peut-être dans la voiture, à la maison, là, tranquille. Peut-être qu'elle nous écoute, la coloc. Ouais. Ah, 01 42 48 5000, comment est-ce que vous réagiriez à la place de cette coloc? Hein, Greg? Ouais, ouais. Et s'il y a des réactions, tu reprends l'antenne, ok? Ok, ça marche. Salut! Salut! Ciao, bonne soirée! Salut Greg! On va accueillir dans un instant Lucas! Lucas qui est avec nous. Alors, c'est notre auditeur du soir, Lucas, bien sûr. Voilà. Lucas, on va parler de quoi avec toi? Si tu veux, j'habite à 7 et en ce moment, c'est vraiment la canicule. Il fait 40 degrés la journée, tout ça. Et j'aimerais avoir des techniques pour contrer cette canicule, justement. Attends demain, il va faire moins chaud. Ouais, d'accord. T'as la mer? Ouais, mais on va en parler. Ouais, j'ai la mer, mais la mer, ça colle et tout, c'est chaud, quoi. Non, mais ça a été une galère pour tout le monde cette nuit. Oui, personne n'a réussi à dormir. Moi, j'ai bien dormi, pas de soucis. Ah, tu nous emmerdes, toi, t'as trop de chance. Ouais, voilà, non, mais Doc, c'est la perfection, tu sais. Il est zen, non, moi, j'arrive pas à m'endormir. C'est ça, t'as dormi à poil Bah oui, évidemment. Ah, mais, oh putain, le sgay galère et tout, quoi. Sans déconner. On va revenir avec Kashmir et Back to Me. Profitez bien tout le monde, on est là jusqu'à 22h, c'est Love in Fun. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. La radio numéro 1 sur les nouveautés Dance Electro, c'est Fun Radio. Edia. Jadid. Kygo et Ellie Goulding. Robin Schulz et James Blunt. It's gonna be okay. It's gonna be okay. La radio qui joue le plus de nouveautés. C'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Soch présente. Chérie, j'arrive enfin à prononcer Soch. D'accord, c'est très bien ma chérie, mais essaie de dire c'est super cette promo chez Soch. C'est super super cette promo Soch. Comment? Jusqu'au 26 juin, profitez du forfait 40 gigas à 9,99€ par mois pendant un an, puis 24,99€ par mois avec le code SUPER. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Rendez-vous sur soch.fr. Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99€ par mois. Détails sur soch.fr. Avant de déménager, avez-vous pensé à tout? Le camion? 40 cartons sur un scooter? Eh ben ça va en faire des allers-retours. Les copains? Ah, un répondeur. Ouais, allô Nico, je voulais être sûr que t'avais pas oublié notre déménagement. Il est quand même 20h. Et l'électricité? T'as la lampe torche? Ouais. T'as des piles? Non. Sinon, souscrivez en 5 minutes seulement sur particulier.engie.fr. Avec Elec Weekend d'Engie, l'électricité est à moins 30% le week-end. Offre de marché, voire conditions sur site. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Fun Radio présente l'ESWC Summer. L'événement e-sport emblématique débarque à Bordeaux. Au programme, League of Legends, Clash Royale, Street Fighter V, Cross Maga et Rocket League. Ah non, okay. Les meilleurs joueurs du monde et vos youtubeurs préférés, Domingo, Trapa, Kameto et Le Stream, vous donnent rendez-vous à l'ESWC les 1er et 2 juillet au Palais des Congrès de Bordeaux. Entrée gratuite sur réservation eswc.com. Avec Fun Radio. Alibi.com en DVD et Blu-ray. On part du principe qu'un petit mensonge fait moins de mal que la vérité. Par les créateurs de Babysitting. Ce sera le 30e anniversaire de notre mariage ce week-end. J'ai rassemblé. Voilà. Ah bon? Blou. Alibi.com, la comédie de l'année, en DVD et Blu-ray. Et à l'achat et en location, en vidéo à la demande sur la TV d'Orange, avec Fun Radio. Vidéo à la demande pour les clients Internet TV d'Orange, tarifs et conditions sur orange.fr. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Partout dans le monde, sur funradio.fr. Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. Le cœur donner le monde a le cœur. Le monde a le cœur divisé, même Cupidon n'a aucun effet. Toutes ces flèches ont échoué. Car les hommes, car les hommes, car les hommes. La fumée des bombardiers et la pollution l'empêchent de respirer. Le cœur du monde va s'arrêter. Car les hommes, car les hommes, car les hommes. Le cœur donnier, oui je te vois dans ton atelier. Tu répares avec l'innocence d'un enfant, tu recouds avec le sourire d'un passant, tu recolles avec la douceur d'une maman, tu tisses avec du jaune, noir et du blanc. Mais quand je regarde ce monde de fou, je me dis que le cœur donnier, c'est nous. Du sexe, de l'amour et du fun. 01 42 48 5000, 20h, 22h sur Fun Radio. Tous les soirs dans Loving Fun, on est le seul à le faire. Il y a un auditeur du soir qui arrive à 20h et qui fait toute l'émission avec nous jusqu'à 22h. Et c'est Lucas, notre auditeur du soir. Ça va, tout va bien, Lucas? Bah écoute, super, il fait vraiment chaud, mais super. Bah oui, t'as pas trop chaud à l'oreille avec le téléphone collé à l'oreille toute l'émission là? Si, en plus qui chauffe de fou là, avec la coque et tout, c'est chaud. Ah oui, la coque qui sniffe, oui. Non, mais non, Doc. Enfin, dis-moi, t'es où là? T'es où là? T'es comment? T'es à poil? T'es en maillot de bain? T'es comment? Alors moi, je suis un short et t-shirt dans mon lit. Dans ton lit? Je me suis calé dans mon lit. Tu t'es calé dans ton lit? Non mais putain, cette histoire de couette là, j'étais obligé de tout enlever hier. C'est une tanasse pour remettre la couette aussi. Sans déconner. Mais moi, je suis obligé de dormir à poil, moi. Bah, c'est normal, comme Doc qui nous l'a dit d'ailleurs, le sgégalère, il nous a dit. Alors, j'ai pas dit ça. C'est toi qui as dit ça. Lucas, à poil, je me suis arrêté là. Lucas, tu as besoin de technique. Vas-y, dis-nous tout. Ouais, j'ai besoin de technique pour contrer ce panicule en ce moment qui me tombe dessus. Je l'ai là, c'est affreux. D'accord. Alors, donc, il faut des techniques pour pas avoir trop chaud, quoi. D'accord. Alors, très important, il faut boire beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, tu transpires. Tu transpires énormément, je l'ai dit tout à l'heure. C'est ce qui te permet de ne pas être en hyperthermie. Mais comme il fait très chaud, tu vas transpirer 10 fois plus. Donc, il faut consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Et l'idéal, c'est pas de boire 2 litres d'un coup, c'est de boire très régulièrement. Et en fait, il y a un signal très important. Si vous buvez correctement, vous allez pisser. Si vous arrêtez de pisser, si vous pissez plus, c'est que vous ne buvez pas assez. D'accord, donc il faut pisser en fait. Si on pisse, ça veut dire qu'on boit suffisamment. Okay. Si vous avez des urines très foncées et que vous pissez moins, c'est que votre rein concentre vos urines parce qu'il garde l'eau. D'accord, donc il faut que... Faut boire. Le liquide soit blanc. Mais attends. De la flotte, hein. J'ai pas dit des boissons sucrées et de l'alcool. Si. Doug vous a dit de vous saouler ce soir. Bien sûr. Alors, et Erika est avec nous. Elle est du Havre. Elle a une petite technique. Sa technique à elle. Bonsoir, Erika. Bonsoir. Elle est morte de rire. Salut. Bonsoir tout le monde. Oui, parce que ma technique, elle est un peu spéciale. Ah, bah vas-y, on t'écoute. Bah, en fait, moi, j'ai été excitée toute la nuit. Du coup, comme j'avais personne pour faire quoi que ce soit, bah, j'ai eu chaud. Enfin, j'étais un peu en chaleur, en gros. Ouais. Et bah, j'avais froid. J'ai pas tout pigé là. Moi non plus. Personne n'a contrebalancé. Moi j'étais plus chaude que la pièce en fait. Du coup t'avais froid. Donc t'es d'accord. T'as eu une activité sexuelle solitaire? Non. Ah, même pas. C'est bien le problème en fait. Non mais c'est vrai que les jours de chaleur on a une libido de ouf quoi. Sans mais la lumière aussi. Ah ouais, non mais comment ça se fait quand il fait chaud comme ça, on a tout le temps envie de faire l'amour? Ça stimule tes sécrétions hormonales, testostérone pour les garçons entre autres, qui sont très excités. Et puis la lumière, on sait que c'est aussi faut quand même pas l'oublier, l'immunothérapie, ça existe. Pour, ça traite, enfin, en tout cas, les gens qui disent être déprimés sont moins déprimés avec la lumière. D'accord. Donc voilà, quand il n'y a pas de lumière, les gens sont plus déprimés. C'est pour ça que généralement, on est plutôt happy quand c'est l'été, quoi. Ouais. Alors, et Erika, reste avec nous. Donc, Erika était plus chaude que les températures. Hein, c'est-à-dire que, voilà. Brian est avec nous, nous rejoint. Il a 19 ans de Montargis. Bonsoir, Brian. Bonsoir, salut. Ça va l'équipe? Ça va bien, Brian. T'as dormi dans ton lit cette nuit? Non, en fait, c'est que quand j'ai vu aux infos qu'il y avait une canicule qui allait arriver, ouais, j'ai pris des vivres et je suis descendu dans ma cave. Et là, ça fait une semaine que j'ai pas vu le jour. Mec, il fait Koh-Lanta dans sa cave. C'est trop drôle. J'ai pris des vivres. Mais c'est la clim naturelle, c'est génial ce que tu dis là. Mais tu fais vraiment ça? Non. Ouais, c'est la bonne technique. Hein. Non, mais dans la cave, il y a des araignées, mec. Et des rats. Mais non, il faut bien l'aménager. Genre, t'as pas vu le jour depuis une semaine. Le mec, c'est trop drôle. T'es dans ta cave, il fait combien, là? Oula, il doit faire 10 degrés à tout passer. Ah, le mec, il est obligé de prendre une doudoune. Tu sens le mec qui invente au fur et à mesure. Brian, reste avec nous. Mais la technique de la cave, pourquoi pas? Si vous avez une cave aménagée, why not? Lou de Soissons. Salut toute l'équipe. Salut. Lou, on la connaît bien. On est allé la voir à Soissons. Justement. Voilà. Lou, t'as passé une bonne nuit, Lou? Bof, pas trop. J'ai pas très bien dormi. Et moi, le pire, j'ai trouvé, c'est quand tu colles ta tête sur l'oreiller et que l'oreiller, enfin, t'es tout mouillé. Faut le retourner en fait. Chercher les côtés froids un peu aux oreillers, c'est important. Ça dure qu'un temps, quoi. Lou, comment t'as fait, toi? Bah, genre, je prends un t-shirt qui vient de sortir de la machine à laver, c'est mouillé, quoi. Et je le mets directement. Excellente idée. C'est pas idiot ce que tu dis. Et il faut le retenir. Si vous avez vraiment trop chaud, vous mouillez vos vêtements avec de l'eau froide et vous mettez ça, ça vous rafraîchit direct. Et une petite douche froide avant d'aller dormir. Aussi. Ouais, moi c'est ce que j'ai fait. Rafraîchir le corps, c'est une bonne idée. Mais au bout de 2 minutes, tu repars en transpi, hein. C'est ça le truc. Oui, mais bon, ça baisse un peu la température. C'est au moins un moment agréable. D'accord, Lou, t'as dormi toute nue? Non. C'est quoi cette question? Mais parce que je m'appelle Karel, tu me connais, hein? On a Audrey de Montpellier aussi qui est là. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Salut. Salut. Ah, t'as dormi toute nue, Audrey, toi? Presque. Mais bon, il fait chaud. Bah oui, forcément. Alors comment tu as réussi à bien dormir cette nuit? Est-ce que tu as bien dormi? J'ai bien dormi parce que j'ai fait du sport avant, sport en salle, et donc après je suis crevée, je dors bien en général. Donc, ah oui, tu t'es épuisé physiquement et là, chaud ou froid, tu dors. C'est ça. Ah, c'est ça, c'est une bonne technique aussi. Doc, comment t'as fait toi? Moi non, j'ai bu de la flotte, puis je me suis couché mais tard, hein, je me lève tôt, donc je dors pas beaucoup. Ouais, c'est pour ça que t'étais fatigué, t'étais crevé. Carrément, oui. Alice, toi, tu t'es endormie à quelle heure? Pas de micro, à peu près à 6h du mat. Moi j'ai été sous la douche d'accord, froide mais tu t'es toute la midi. Nuit. Bah oui, évidemment, comme tous les matins, midi. Mais moi, j'ai toute la nuit, en fait, j'ai pris des douches froides, mais vraiment congelées. Ouais. Je faisais en sorte de rester mouillée, j'avais les cheveux trempés et je me foutais devant le ventilateur. Elle était toute mouillée, Alice. Ouais, toute mouillée. Bah voilà. Et toute frissonnante. Ça, c'est une bonne technique. Merci à tout le monde hein, qui réagissent aussi sur les réseaux sociaux. C'est parti, Alice. Il y a Céline qui dit « La piscine, il n'y a rien de mieux. Pour Yannis, c'est une bonne bière fraîche. Antoine, je squatte la chambre froide au travail. Jérém, j'ai pris un abonnement au ciné parce qu'il y a la clim. » Et Alexia qui dit « Tous à poil. » Tous à poil, c'est une bonne solution. Et franchement, n'achetez pas de clim parce qu'il n'y en a plus. Les marchands ont tout vendu. Paris, c'était un carton là-dessus. Bah, ouais. Non, mais la clim. Tu sais, les petites clims qui valent moins de 200 euros. Ah oui, dans ça. Ta chambre. Ah ouais, c'est cher. J'en ai plus, quoi. Mais on peut en faire soi-même. La clim maison, en fait. Tu mets. Un éventail. Mais non, tu mets par exemple des bouteilles au congélateur, t'attends qu'elles soient bien fraîches et tu les mets derrière ton ventilateur et finalement, c'est de l'air frais qui est envoyé dans la pièce. Putain, la bonne technique. La clim maison. Eh oui. Sans déconner. La clim économique. Ouais, c'est ça. Parce que les ventilos, ça fait masse bruit aussi. Ça, c'est super chiant. Ça sert un peu à rien. Ça brasse l'air, quoi. Eh bien, nous avons fait un petit point et j'ai une pensée toute particulière pour tous ceux qui ont passé le bac. Ah parce que oui. Ça a été la semaine du bac, la semaine de la canicule. Vous devriez tous avoir 2 points de plus. J'en suis sûr et certain. Non mais vraiment. On vous les donne, nous. Ouais, sans déconner, bosser dans des conditions comme ça, bravo. Je vous félicite tous. Dans un instant, défi fallait pas demander avec Maxime, 12 ans de Marseille, qui va appeler sa maman Marie-Lou et lui demander, pour l'énerver, maman, est-ce que tu t'es déjà battu? Restez bien avec nous. Ça va être énorme. Dans un instant, défi fallait pas demander avec en plus le film Alibi.com à gagner, là, le Blu-ray. Et voici Cashmere, le son de la teuf. C'est Back to Me, c'est Love in Fun. Pay my roses red right before the end. Cachemire, Back to Me sur Fun Radio. 20h, 22h. Et soyez tous les bienvenus si vous venez d'arriver. Vous êtes en voiture peut-être là en train de nous écouter à la maison. Il y en a qui bossent. Je pense à tous ceux qui sont sur les routes là, dans la cabine. Les routiers qui nous écoutent et ouais. qui sont nombreux. Certains ont la clim, non? Ouais, bah j'espère bien pour eux, hein, parce que franchement, il fait tellement chaud là. N'hésitez pas, en tout cas, à nous appeler, à participer à l'émission, à poser vos questions. On a un vrai médecin avec nous tous les soirs. Ah oui, c'est pas une arnaque, le mec, il est pas pharmacien. Hein. Il est médecin, hein. Un vrai. Hein. 01 42 48 ouais. 5000, c'est le numéro de téléphone. Les réseaux sociaux aussi pour réagir à l'émission. Dans un instant, on aura le chiffre d'Alice. Et ça, je sais que vous l'adorez. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Ce soir, on va parler des villes dans lesquelles il est plus facile de payer. Chaud. Voilà, parce qu'on dit toujours dans le sud, c'est plus simple de draguer, de faire des rencontres. Alors si vous pensez qu'il y a des villes ou même des pays dans lesquels, voilà, c'est plus ouvert sexuellement, dirons-nous, appelez-nous et dites-nous lesquels. On y aille. Oui. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des histoires d'amour aussi. Attends. Oui, mais comme ça, on va préparer nos vacances en conséquence. Ah bah là, j'ai l'impression qu'il va falloir trouver les destinations de vacances pour pécho. Hein. Dites-nous en tout cas si vous en avez. Voilà, vous avez des bons plans. N'hésitez pas. Il y aura aussi Jennifer. Jennifer, t'es là? Oui, je suis là. Salut Jenny. Salut. T'as 23 ans, t'es à Lille dans le nord de la France, ça fait plaisir. Tu nous appelles pourquoi toi Jennifer? Parce qu'en fait il y a mon boss qui me propose une promotion canapé et je sais pas quoi faire. Ah ouais, okay. Choquant. La promotion canapé, c'est tu fais un petit truc sexuel et voilà, je t'augmente ou je te fais un poste quoi. Ça porte un nom, voilà. C'est du harcèlement sexuel, c'est sévèrement puni, c'est heureusement. On va t'aider on là-dessus. On peut l'appeler, non? Peut-être. Ah oui, on va l'appeler. Mais faut pas que je perde mon boulot. Ah attends. Dans une situation perdu, comme hein. ça, non, c'est lui qui va perdre. Ouais. En même temps, t'as peut-être l'occasion d'avoir une belle promotion. Hein. En fait, c'est pour décrocher un CDI en tant que genre chef de projet. Donc. Non, s'il fait ça, je peux te dire, il le dit comme ça à l'antenne, tu seras chef de projet et lui, il sera viré. Ouais, exactement. Jennifer, tu restes avec nous et on va écouter Robin Schulz dans pas longtemps. It's gonna be okay. James Blunt et Robin Schulz, la belle rencontre. Ça, c'est Afrojack. Et ça, vous adorez. Nous aussi. Afrojack, David Guetta. Et là, maintenant, on se fait le défi, fallait pas demander. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non, mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Levin Fun. Et franchement, on tape des barres de rire grâce à vous tous les soirs avec le défi Fallait pas demander. Attention, ce soir, c'est Maxime. Maxime, il a 12 ans, il est de Marseille. Salut mon Max. Salut Doc, salut Carré, salut Ali, ça va? Ça va bien Maxime. Il va falloir que tu appelles quelqu'un de ta famille hein, et que tu arrives à l'énerver en lui posant une question. Maxime, tu m'as l'air d'être un bon petit con toi. Oui. Hein, oui. Alors tu vas appeler qui toi? Ma mère. D'accord, et qu'est-ce que tu vas demander à ta mère? Maman, est-ce que tu as déjà frappé quelqu'un? Ah ouais, genre t'as tapé un mec quoi. Voilà. Ok, bah tu vas te faire déchirer, hein. Je te le dis direct. Hein. C'est sûr. C'est parti Maxime, alors je ferai le papa du garçon que tu as amoché, d'accord? Ok. Hein, je vais t'aider pour l'énerver, c'est parti Maxime, on appelle tout de suite ta maman, elle s'appelle Marie-Lou. Oui. On y va, Marie-Lou, elle a 50 ans. Allô? Salut maman. Ouais, est-ce que tu as déjà frappé quelqu'un? Est-ce que j'ai déjà frappé quelqu'un? Oui. Pourquoi tu me poses cette question? Non, parce qu'en fait, j'ai frappé un gars au collège. J'ai frappé un gars au collège. Non, mais ça va pas. C'est avec son père, il m'engueule de fou. Comment ça, il t'engueule de fou? Et tu t'es battu pourquoi? Parce qu'en fait, le mec, tu vois, il arrive, il me dit « trou du cul », il me dit « va te faire » et tout. Qui c'est celui-là? Ben, c'est un con. Et c'est un gars de ta classe? Et en plus, il m'a dit que j'étais moche. Alors que c'est pas vrai. T'es pas moche, non? Ben non. Non, mais pourquoi tu t'es battue? Tu sais que je veux pas que tu te battes. J'ai mis une droite, c'est bon, j'étais obligée. Il m'a cassé les couilles. Comment t'es obligée? Maxime, t'as vu comment t'y es fait? Et t'as vu... C'est un sixième? Non, c'est un troisième. Ça va, c'est un plus grand. Mais bon, Maxime, je veux pas que tu te battes, tu le sais. Ça, c'est un truc que je peux pas admettre. Hein. On se bat pas, on se dit ce qu'on veut, mais on se bat pas. Donc, ça va pas, hein. Non, mais oh. Si t'en mets un, il te casse une dent, et tu fais quoi après? Mais tu crois quoi, moi? Je sais me défendre. Oui, bien sûr, tu sais te défendre, mais non. Non, Maxime, je veux pas que tu te battes. On se bat pas. Voilà, c'est tout. Tu as des soucis, tu vas voir quelqu'un, tu vas voir un proviseur, tu vas voir quelqu'un, mais tu ne sais pas. Mon papa pour qu'il ne me frappe pas. Pardon ? Je dois 1000 euros au papa pour qu'il ne me frappe pas. Tu dois 1000 euros au papa pour qu'il ne te frappe pas ? Non, mais il est sans doute celui-là, ça va pas, non ? Parce que j'ai cassé le nez de son fils. C'est voilà, pour réparer, je crois, pour faire les opérations. Eh ben, il y a une assurance pour ça, si tu as cassé le nez. Non, mais ça va pas la tête. Il se croit où, celui-là ? Nico, il se traite de tout. Ben écoute, là, je suis à Paris, il n'y a pas de souci. Tu en parles à papa, Nico. D'accord ? Tu en parles à papa, et quand je reviens, on réglera ça. Nico, je vais mettre Jonathan. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, bonjour, madame. Bonsoir. Vous êtes la maman ? Oui, je suis la maman. Ah ben bon, je vous félicite pas, hein. Non, mais ça va, je me permets pas de critiquer votre façon d'élever votre fils, hein. Donc, soyez un peu polis, s'il vous plaît. Mais vous vous rendez compte de ce qui s'est passé ? Bah, il avait qu'à pas le chercher, hein, je suis désolée. Ah, mon fils n'est pas un bagarreur, hein. Ah, attendez. Donc, de toute façon, mon fils n'est pas un bagarreur. Ah, attendez, madame. Il s'est jamais battu. Il s'est jamais battu, mais là, il a cassé le nez de mon petit. Et pourquoi il a traité de tout ? Espèce d'inconscient. Parce que mon fils n'est pas un bagarreur, monsieur. Je suis désolée. C'est une inconsciente de laisser un enfant violent comme ça dans la nature. Oui, bien sûr, un enfant violent. Alors sûrement pas, parce que mon fils n'est pas violent du tout, d'accord ? Pour qu'il ait frappé, c'est que vraiment il a dû le pousser à bout. Pas du tout. Parce que mon fils est une patte. Il lui a juste dit qu'il était moche. Et c'est vrai qu'il est moche. Il est moche, non mais vous êtes regardé, vous ? Bah, c'est une glace, hein ? Excusez-moi, non, mais franchement. Mais à mon avis, vous ne devez pas être bien belle. Ouais, bien sûr. Hein. Alors, ce qui va se passer, de toute façon, vous allez régler ça avec mon mari, il n'y a pas de souci. Alors, ce qui va se passer, vous inquiétez pas. C'est que je vais l'enlever, ton fils. Ouais, bien sûr, vous allez l'enlever. On va aller dans la forêt. Je vous fasse du plaisir. Je vais prendre une pelle et un râteau. Et je vais construire un trou. Oui, bien sûr. Je vais le mettre dans le trou. Faites-le bien profond, comme ça je vous mettrai avec. Hein. Je vous repasse votre fils, vous allez pouvoir lui parler une dernière fois. Ouais, bien sûr. Hein ? Ouais, maman. Non, mais tu es où, là ? Tu es chez papy mamie ? Oui. Et qu'est-ce qu'il fait chez papy mamie ? Il boit l'apéro. Comment ça, il boit l'apéro ? Ben oui, il boit l'apéro. Ah, tu me prends pour un con. Mamie, elle se fait draguer par lui. Mamie, elle se fait draguer par lui ? Ouais, elle le trouve trop beau. D'accord, bien sûr. Bon, tu arrêtes tes bêtises, là ? Allô ? Oui ? Bon, alors ce qu'on va faire, on va s'arranger. Hein ? Moi, je veux un petit rencard avec la grand-mère. Non, mais ça va pas, la tête. Hein ? Bah pourquoi pas ? Non, mais ça va pas. Est-ce que t'es chaude ? Non, pas du tout. Ah, parce que moi, je suis un chaud lapin. Hein. Ben, moi, je suis un glaçon. T'es un glaçon ? Eh oui. Ça se réchauffe ? T'as les gros nénés ? Non, pas du tout. Ah, j'adore les gros nénés. Eh ben, désolé, c'est pas mon cas. Bon, qu'est-ce qu'on fait, alors ? Non, vous arrêtez vos bêtises, là, qui c'est ? C'est Karel, t'es en direct sur Fun Radio. Non ! Bonsoir, Marilou ! Ah bah à la fin ça partait tellement aux couilles. Ah bah même Marilou elle a fini par comprendre que c'était une connerie, hein. Marilou, vous êtes en direct sur Fun Radio, votre fils a participé à un défi, c'était le défi fallait pas demander, il devait vous énerver. Et d'accord. En réussissant à vous énerver, il repart avec son cadeau, le casque de réalité virtuelle. Bravo Maxime. Non, c'est pas vrai. T'as rendu complètement dingue ta mère, Maxime. Et ah d'ailleurs, ouais. On a bien senti sur la fin que Maxime, il assumait plus du tout le bouffon. Ouais. Hein, je suis papy mamie. Je suis papy mamie. Ne viens pas me chercher, maman. Ah ouais, non. Ah Maxime, t'as flippé un peu, là. Hein. Ah ouais. T'as entendu elle était bien vénère. Hein. Ah ouais. Marie-Lou, vous avez été fantastique. Oui, mais bon. Ah bah oui, bah. Je suis à Paris là en déplacement, donc je suis un peu. Ah bah un petit peu sonné. Ah bah ça, voilà. On peut le comprendre. Vous avez été merveilleuse, vous avez parfaitement défendu votre fils. Et nous, on vous fait un gros bisou, Marilou. On vous embrasse très très fort. Ça va mieux, Marilou ? Oui, ça va mieux. On sent que ça y est, on se détend, on soulage. Hein. Oui, ça va mieux. Maxime, ça va mieux. Fais un gros bisou à ta mère. Ouais, gros bisous maman. Ouais, gros bisous. Gros bisous Marilou. Merci. À très bientôt gros Maxime, bisous. Bravo et merci pour ça. Salut. Bonsoir. Salut, salut. Salut. Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Faites comme Sonia qui nous rejoint sur Fun Radio. N'hésitez pas à nous appeler libre antenne tous les soirs sur Fun Radio. Bonsoir Sonia. Salut l'équipe. Salut. Salut Sonia. Sonia, t'as 20 ans, t'es à Levallois. Oui, c'est ça. T'appelles pourquoi ? J'appelle parce que je voudrais savoir comment transformer un puceau en un étalon. Ok. Un étaleux. En un étalon. Un étalon, pas un métalleux. Enfin. Oh, sans jamais. Restez avec nous, on va tout vous dire. Il deviendra un étalon grâce à nous et on va écouter Edia dans 3 minutes avec Your Mind. Réagissez à l'émission sur Twitter, hashtag LovinFun. Fun Radio vous envoie à la plus grosse teuf du monde. People of Tomorrow. Tomorrowland. Dès que vous entendez le double fun. Avec Martin Garrix. Fun. Et Don Diablo, mixé à la suite. Appelez Fun Radio. 3228. Vous partez en week-end. Tout frais payé. Pour vivre Tomorrowland. Avec les plus grands DJ. Are you ready? Et en plus, JBL vous offre la nouvelle enceinte Flip 4. Le double fun, uniquement sur Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. JBL, numéro 1 des enceintes portables Bluetooth. Avant de déménager, avez-vous tout vérifié? Le camion? T'as oublié quoi? J'ai oublié de louer le camion, mais c'est pas grave, on prendra le bus. Bah quoi? Un bus, c'est comme un camion, non? Les copains? Allô? Oh, vous êtes en Thaïlande. Du coup, pour mon déménagement, je... Allô? Et le gaz? Ouh, mais il n'y a pas d'eau chaude! Sinon, souscrivez en 5 minutes seulement sur particulier.engie.fr. Avec Engie, le gaz est à prix fixe pendant 3 ans. Offre de marché, voire conditions sur site. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Merci de m'avoir tenu à l'écart pendant la moitié du dîner mythique. Et merci de m'avoir fait rougir devant Marie. Elle a trouvé ça trop mignon. Merci, timidité. Rencontrez-vous au dîner mythique en téléchargeant gratuitement notre appli. Mythique. Love your imperfections. Les meilleurs DJ de la planète vous donnent rendez-vous les 13, 14 et 15 juillet pour l'Electro Beach 2017 avec Fun Radio. Electro Beach. Cashmere. David Guetta. Armin Van Buren. Yellow Claw. Don Diablo. Martin Solveig. Nervo. Et bien d'autres. Réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur electrobeach.com et funradio.fr. Make some noise! L'Electro Beach 2017, les 13, 14 et 15 juillet à Port Barcarès, c'est avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Electro Beach. 20h, 22h. 01 42 48 5000. Love in Fun. Love in Fun. Sur Fun Radio. Come alive. If you're ready, get set, let's go. Do you wanna know what heart to heart feels like? Alone in the dark, but the beat feels nice. Taste the fire of a better life. I can give you everything you want. Let's grind to the beat of our burning bodies. I can read your mind. I know you want it. sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. Merci d'être avec nous. Si vous êtes débarqués, vous êtes les bienvenus ici. Vous dites ce que vous voulez. Libre antenne chaque soir dans le Vin Fun du dimanche, jeudi 20h, 22h, 01 42 48 5000. C'est le numéro. Il y a notre auditeur du sort aussi, Lucas, qui est avec nous depuis 20h. Tout va bien, Lucas? Tout va bien, ouais. Tout va bien. Plus chaud, mais tout va bien. Et attends, tu sais, parce que nous, on a Guillaume au standard qui est hyper fan d'Harry Potter. Il paraît que ton oncle, Lucas, a fait les effets spéciaux dans les films Harry Potter. Voilà, il a fait, il me semble, 4 ou 5 ouais, Harry Potter différents. Il a fait le Monde de Narnia, Game of Thrones et Casino Royale. Mais c'est ouf, c'est génial. Putain, c'est hallucinant ça, sans déconner. Ouais, ouais. Putain, c'est et fort. Il habite à Londres là, du coup, et il bosse en studio. Voilà. Et t'avais le droit à des petites exclus sur les scénars et tout Non, mais il m'a dit, je pense un jour, je pourrais te faire rencontrer 2-3 acteurs ou quoi, tu vois. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu nous inviteras quand même, j'espère. Ah ben y a pas de souci, même à 7, vous venez, je vais vous régaler. Ah ben, j'ai plaisir. J'ai l'impression qu'on va rentrer bourré là. Hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer surtout avec modération. Travaille en boîte donc. Eh ben ça c'est fort. Eh ben écoute, la proposition est faite, hein, Lucas. On verra cet été. Hein, on ne s'engage pas. Ok. Et il y a beaucoup de soins là-bas. Ah ben en plus, ça fait plaisir. On a Sonia qui nous rejoint sur Fun Radio. Tu restes avec nous, mon Lucas. Sonia, elle a 20 ans. Elle est de Levallois. Et elle a une question. Bonsoir Sonia. Salut. Salut l'équipe. Salut. On t'écoute Sonia. Alors, je voudrais savoir comment transformer un puceau en un bel étalon. Concrètement, c'est qui le c'est puceau de qui, ton copain? Donc, il n'a jamais couché avec une fille? Alors, disons, en fait, ça fait 3 semaines qu'on est ensemble. Ouais. Hier soir, on a couché ensemble pour la première fois. C'était catastrophique. Ah, attends, ça va. Hein. Attends, c'est-à-dire. Voilà. J'étais pas en forme. Bah, non, pendant les préliminaires, il savait pas quoi faire. Et ensuite, quand on a été vraiment à l'acte, ça a duré une demi-seconde, même pas. Faut le guider un peu. Ça s'appelle une éjaculation précoce. J'ai plaisanté, etc., pour détendre un peu l'atmosphère. Et en fait, il m'a dit que c'était sa première fois. Bah voilà. T'es amoureuse ou pas? Oui, je commence à l'être. Et c'est comme ça que ça se passe la première fois, c'est à toi. Oui, mais en même temps, si ça ne suit pas de ce côté-là, il y a un moment donné... Non mais attends, ça va, c'est pas une bagnole que t'as essayé là. Ah ouais. Hein, t'as pas fait un tour de piste pour voir si elle monte à 250? Et au départ, t'es une Kangoo et après, tu deviens une Mercedes. Ah mais c'est vrai. Et non mais là, ce qu'il faut, c'est tout simplement une première fois, beaucoup d'émotions. Déjà, il y a une érection, ce qui est déjà pas mal. Bravo. Il est arrivé une chose qui arrive à des garçons et qui les rend dans un état très malheureux. Oui. Ça s'appelle une éjaculation précoce. Et lui, c'est bim boum, paf. Bim boum. Ouais. Il est rentré, il a éjaculé. Paf, hein. Oui. Ouais. Voilà, donc ça peut arriver. Donc il faut reprendre tout de A à Z parce qu'il doit... Là, je sais pas comment il est, là. Bah, il doit être en stress, état, mec. Ouais, voilà. Et tu t'es un peu moqué de lui, quand même, hein? Bah oui, mais je savais pas que c'était la première fois. Bah oui, mais bon, ça peut arriver. Il me l'a pas dit avant. Mais moi, écoute, si vous êtes vraiment amoureux l'un de l'autre, vous allez commencer par prendre votre temps. Première étape, l'érotisme. C'est-à-dire découvrir le corps de l'autre en lui donnant des plaisirs par des caresses, ok? Sans aller jusqu'à l'orgasme. Le problème, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il t'a pénétré. Dès qu'il t'a pénétré, il n'existait plus. Oh mon Dieu, c'est tellement bon. Voilà, et ça, il faut bien que tu le comprennes. Faire l'amour avec quelqu'un, surtout quand c'est la première fois, c'est pas, y a pas une notice d'emploi, il y a pas un mode d'emploi en 10 pages ou en 3 pages, premièrement, deuxièmement, troisièmement, tu vois, ça n'existe pas, ça. Est-ce que tu as pris les choses en main ou tu l'as laissé faire? Oui. Non, j'ai pris les choses en main. C'est-à-dire que t'es monté sur lui, par exemple? Oui. Dès le départ? Non, pas dès le départ, après, pour essayer de faire remonter... Ah ouais, mais une fois qu'il a... Mais non, mais oui. Ça sert à rien de s'acharner. Là, votre problématique, c'est que vous êtes dans le coït. La pénétration. Il faut sortir du coït pour être dans l'érotisme et pour être du plaisir partagé par les caresses que vous partagez l'un avec l'autre. Ils sont allés trop vite, Doc. Hein. Mais bien sûr. Bah ouais. Tu lui donnes du plaisir, il te donne du plaisir et vous partagez cet amour. C'est ça qui me paraît essentiel. Après, le coït, il viendra. Le coït, c'est une partie du rapport sexuel. Ce n'est pas que le rapport sexuel. D'accord? D'accord. Bah oui, Sonia, il va s'améliorer. Hein. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il pouvait pas faire pire. C'était sa première fois, de toute façon. Il savait même pas comment ça allait se passer. Donc, si tu veux. C'est vrai que la première fois, putain, moi non plus, j'imagine pas un dieu, le mec, hein. Dans quel état il est là. ce soir. Il doit être forcément en stress. Je sais pas, Lucas, tu te souviens de ta première fois, notre auditeur du soir, là, Lucas? Ah ben, c'était compliqué, mais après ça va mieux. Enfin, genre, au bout de, quand ça recommence, au fur et à mesure, ça s'améliore. Bah voilà, mais bien sûr, il faut que la machine se mette en route. Alice, ça t'est arrivé toi aussi une première fois un peu désastreuse? Oui, ça m'est arrivé. Mais je pense que Sonia, il faut que tu le rassures davantage. Je pense que là, le pauvre, il te voit, toi, vachement entreprenante, qui a l'air d'avoir de l'expérience. Et du coup, il perd tous ses moyens face à toi. Mais je pense qu'il faut que vraiment tu le rassures et ça ira mieux, qu'il prenne confiance. Et il se lâchera davantage, je pense. La réaction des filles, elle est vachement importante. Hein. Oui, c'est ça. Même toi, prends ton temps avec lui pour pas que ça arrive tout de suite. Et que... Parce qu'il découvre tout ça, donc forcément. Et en plus, il a l'air de t'aimer. Donc, c'est des sensations fois mille. Mais parce qu'il y a des filles qui réagissent, qui disent « Qu'est-ce qu'il y a? Je te plais pas? Je t'excite pas ?» Tu vois? Et là, déjà? Bah ouais, t'imagines, non mais l'enfer quoi. Déjà, t'es pas en forme et tout. Enfin, nous, on a une pression de dingue, Doc. Hein. Oui, c'est vrai. Les pauvres. Et nous, tiens. Ah bah, attends, ouais. Bah, attends. Tu te fais pénétrer, tu acceptes quelqu'un à l'intérieur de toi. Rien que ça, c'est une pression particulière, d'accord? Ah, mais ça, je veux bien croire. C'est très différent. Merci de nous laisser rentrer. Hein, bah oui, avec plaisir. Vous êtes vraiment. On vous accueille chaleureusement. Vous êtes magnifiques, toutes les femmes. Non mais voilà, Sonia, d'accord? Ok, ça marche. Petit à petit. Gros bisous, Sonia. Gros bisous, merci beaucoup. Et tu nous tiens au courant à la fin de l'été, d'accord? Ok, ça marche. On te fait des gros bisous, Sonia. Gros bisous, merci beaucoup. Salut ma chérie. Le chiffre d'Alice dans un instant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont partir en vacances. On va vous dire où partir en vacances pour pécho. C'est ça. On va parler des villes dans lesquelles on pécho le plus. Et j'ai d'ailleurs même un petit top 10 des villes les plus ouvertes sexuellement. Ah, je suis sûr que Toulouse est number one. Eh bien, même pas. On va tout savoir dans un instant. Restez bien avec nous. En attendant, on écoute Robin Schulz avec James Blunt. Voici Hockey sur Fun Radio. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up, I'm going down. I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Ça va être l'un des tubes de cet été, Robin Schulz et James Blunt. OK sur Fun Radio. Le chiffre d'Ali dans Loving Fun sur Fun Radio. Enfin, enfin, on va savoir où partir en vacances. Non, c'est vrai, il y en a plein qui se posent encore la question, qui n'ont peut-être pas prévu de destination pour cet été. Bah, ils attendaient le chiffre, justement, ils ont bien raison. Ce soir, on va savoir où est-ce qu'il faut partir en vacances pour pécho. Oui, c'est ça. Apparemment, il y a une personne sur deux qui pense qu'il est plus facile de pécho quand on est à l'étranger, et c'est vrai. Moi, je pense en tout cas, c'est vrai. Peut-être que Doc pourra nous expliquer pourquoi. Parce que finalement, quand on part à l'étranger, on est beaucoup plus détendu, et puis il y a ce côté un peu... Exotisme. Des fois, tu parles pas la langue et les gens se disent « Oh, j'adore, tu es français !» Bien sûr. Ça marche super bien. Ça, c'est pour la drague, oui. Ah, c'est pour ça que je vais mais c'est toujours mieux ailleurs que chez soi, c'est évident. Bah, on se lâche, en fait. Mais au bout de 6 mois, quand on habite à un endroit... On a choisi. Il y a, clairement des pays où les Français ont la cote. Hein. Oui, genre les États-Unis, le Japon aussi, il paraît. Ouais, c'est vrai, mal. Il paraît. Ah ouais. Et du coup, j'ai trouvé le top 10 des villes les plus ouvertes sexuellement. Oui. Alors, en fait, voilà. Donc, la première, ça va peut-être vous étonner. C'est numéro 10. Le numéro 1. Non, le numéro 1. Ok. Ça va peut-être vous étonner, mais c'est Saint-Brieuc. Saint-Brieux. Non, sans déconner. C'est non, je déconne, c'est Paris. Ils sont tous... je déconne, c'est ils Paris. Ils sont tous c'est bourrés, c'est normal. Saint-Brieuc, c'est en Bretagne, c'est chez moi. Hein. Voilà, mais non, c'est pas chez toi. C'est Paris, la première, la ville la plus ouverte sexuellement. Paris. Donc en fait, c'est des études qui ont été faites en fonction de la fréquence des rapports sexuels, voilà, du donc, nombre tu veux de partenaires. Quoi, partez pas en vacances, c'est ça ? Eh ben, à Paris, ben non, parce que tout le monde ne vit pas à Paris, bien heureusement. À Paris, sachez qu'on peut pécho assez facilement. D'accord. Il paraît. En deuxième position, on a Rio. Ouais. En troisième position, Londres. Quatrième, Los Angeles. Cinquième, Berlin. Sixième position, New York. Sao Paulo, Las Vegas. Ibiza en neuvième position. Et pour finir, Amsterdam. Bon, il faudra de la thune, hein. Définitivement. Hein, parce ouais. Los Angeles. Ouais, Los Angeles, qui est en quatrième position des villes les plus ouvertes sexuellement, dans lesquelles bah, t'as plus de facilité à faire des rencontres à ce niveau-là. Mais sexuellement, on dit, hein, c'est pas forcément des relations sérieuses. Ah, c'est vrai qu'à Amsterdam, pour 50 euros, tu peux avoir beaucoup de succès. Hein. C'est pour ça qu'il y a Berlin également, il me semble. Alors, on va accueillir Marc, il est de Metz. Il est de chez toi en plus, oui Alice, en région Lorraine. Bonsoir Marc. Salut. Bonsoir Alice, bonsoir Doc, bonsoir Karel. Salut. Bonsoir Marc, alors que c'est à Metz qu'on chape le plus facilement ? Pas du tout, ah bah pas oui. du tout, c'est ailleurs. Facile. Mais par contre, avant j'aurais une question à te poser Karel. Oui. Bon, toi, tu as demandé à tout le monde comment ils ont dormi la nuit dernière, et toi, tu avais le galère ? Ça l'intéresse Marc. Non, pour moi, dormir à poil, c'est pas possible. Il me faut toujours un petit truc. Une nuisette, petite nuisette. Une petite robe de chambre. Il me connaît, de nuit. Il me connaît si bien. Non, et alors, une robe de chambre, et quand il a la gaule, tu vois ce que ça fait. C'est comme la tente que tu soulèves. Ouais, tipi, voilà. Je vous ferai une photo ce soir, c'est promis. Ah oui, on attend que ça. Alors Marc, vas-y, on t'écoute. Alors moi, j'ai eu la chance d'aller à Ibiza. Ouais. Donc c'est vrai que je me suis énormément éclaté. Berlin également. Ouais. Ouais. Paris, naturellement. Mais là où je me suis éclaté le plus, c'était en Bretagne, du côté de Saint-Brieuc. Parce que j'ai connu 3 Bretons. Non, mais c'est vrai, en plus, je déconne pas. J'ai connu 3 Bretons. Ouais. Pas de poils sur le torse, des poils aux pattes. Donc mais chaud comme des baraques à frites. Hein. Parce que toi, tu es homo, c'est ça ? C'est bien ça. Oui. Donc, oui, Saint-Brieuc, oui, bien sûr. Ouais. Ah non, les Bretons, moi j'adore. C'est vrai, ouais, bah, ah, dit, j'adore, un petit collet de cidre et hop, tu les chopes direct. Hein. Non, ouais. Absolument. Donc, si je vois un Breton à Berlin ou un Breton à Ibiza, je saute dessus. Hein. D'accord. Je consomme même pas local, je consomme français. Écoute, je ne savais pas qu'il y avait possibilité, tu vois, mais pourquoi pas. Hein. Donc, Marc, lui, il pêche un peu partout, mais surtout en Bretagne. Ça fait absolument. Plaisir. Absolument. Mais, et content de le savoir Marc, j'irai pas cet été hein. Benjamin est avec nous, 22 ans de Fontenay-sous-Bois, bonsoir Benjamin. Bonsoir Karel, bonsoir les gens. Salut. Devant la mairie de Fontenay-sous-Bois, est-ce que ça pécho ? Alors, pas devant la mairie, mais bon, vu que c'est de Paris, c'est qu'on pécho plus à Paris qu'à autre chose. Mais moi, où on m'a plus dit, que du coup, moi je suis pas encore allé, je sais que vous y êtes allé, donc vous allez pouvoir me dire si c'est vrai ou pas. Dis-nous. Mais le 10e du classement d'Alice, Amsterdam. Amsterdam. Avec la petite spécialité de là-bas, il y a les esprits qui sont ouverts, mais il n'y a pas que les esprits qui sont ouverts. Après un peu de petits ouinges, un petit peu de LSD. Tu veux parler des petits fours, des gâteaux, des tulipes, tu veux dire, du fromage. C'est ça. Non, bah, alors attends, nous on est allé à Amsterdam, ça s'est très très bien passé. On n'y est pas allé pour pécho, hein, donc clairement on était en team. On a été dans le quartier rouge, on a été voir les gentilles demoiselles dans des vitrines. Ouais, t'as payé combien ? Bah franchement, non mais nous franchement, alors c'est rigolo, tu vois, c'est pour les touristes machin, mais on a été un peu gêné quoi. Bah oui, forcément. Oui, c'est atroce. Moi ça m'a choqué franchement. Ah oui, bien sûr. Bah c'est une telle facilité, une telle accessibilité, c'est choquant, on n'est pas habitué. C'est-à-dire que l'être humain est réduit à l'état de marchandise. Ah, et carrément. Voilà. Ah ouais, puis j'avais une cote de dingue, elle me faisait toutes des clins d'œil. Ah, c'est bizarre, hein. Après, ah bah c'est sûr, en le voyant. C'était pour te piquer 50 euros. Alors, je suis rentré, elle m'a dit, c'est 50 euros. Ah, putain, j'ai dit, c'est un peu cher, j'ai que 25 et tout. Bon, t'as essayé de négocier ? Non, mais jamais. Alors moi, jamais je me taperais une prostituée, hein. Vraiment, hein. C'est pas un délire, quoi. J'aurais du mal à faire l'amour et payer, quoi, tu vois. Après, je vais te dire, là-bas, c'est un gros business. Hein. Il y en a qui vont, pas de problème avec les copains et tout, quoi. Et elles sont tellement magnifiques qu'ils ont la sensation que, voilà, quoi, c'est limite. Ouais, j'ai pécho une meuf incroyable, quoi. Ouais, c'est ça. Plein, mais c'est ça. Mais tu l'as payé. Ah, bah oui. J'espère qu'ils ont eu pour leur argent, alors. Ouais. T'as une vitrine. Alors, ça se passe comment? Ils font l'amour devant la vitrine? Non. Heureusement. Non. En fait, la meuf est derrière la vitrine et tout machin. Donc là, elle bouge et tout. Donc si t'es intéressé, tu commences à ouvrir. Enfin, tu lui demandes d'ouvrir la porte. Et là, elle te dit, c'est 50 euros. Voilà. Et donc là, si t'as 50 euros, bah, tu peux effectivement rentrer et tu te la tapes. Il y a un étage, en fait. Il y a des escaliers. Ouais. On les voit. Ça sent le vécu. Non. Ouais, ils connaissent très bien, là. Mais pas, t'es d'accord avec moi. Mais on s'est bien renseigné. Il y a une petite alarme au bout de 15 minutes. Ça, tu pars, sinon il faut que tu payes. Au bout de 15 minutes, il y a une alarme. Et si tu veux continuer, il faut payer davantage. Et sinon, tu t'en vas. L'amour facturé. Ouais, c'est 15 minutes, sans déconner. Et alors. Pour rien vous cacher, celui qui était au taquet de chez Taquet, c'était quand même Kassim le producteur. Ah oui, j'avais une petite gueule quand même, hein. Au calme comme ça. Attends, il y en a une, il y avait juste des caches-tétons, elle était trop bonne, alors du coup, une petite gueule. Ouais. Une petite gueule. Le mec, il arrêtait pas de vouloir nous faire des tours. On l'aurait pas dit. Et après, il a disparu pendant un quart d'heure. Non, il est resté. Francis d'Épinal aussi est là. Salut Francis. Salut. Salut Karel, salut toute l'équipe. Comment allez-vous? Ça va bien. Francis, c'est quoi la destination de rêve pour Pécho cet été? Alors, le mieux, pour moi, c'est le Maroc. Le Maroc? Ah ouais? Ouais. Il y a le soleil, il y a tout le monde. Enfin, il y a beaucoup de chaleur, on va dire. D'accord. Mais alors, raconte, t'es allé au Maroc et t'as pécho? Ah non, je n'ai pas pécho, car je suis en couple, mais il y a beaucoup de propositions que j'ai eues. Ouais. Et malheureusement aussi, beaucoup de personnes qui demandent de l'argent pour le faire, que ça soit avec des hommes ou des femmes. Voilà, c'est malheureux, mais bon, ça pécho pas mal, on va dire. Ouais, mais c'est gênant, hein, sans déconner. T'imagines, la nana, elle couche avec toi juste pour ton pognon, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu naze, je veux dire. On est tous, plutôt que de pécho, putain, rencontrons l'amour, bordel. Ouais, c'est mieux, oui. Ça demande plus d'efforts. Hein. Bien sûr, il y a des réactions sur les réseaux sociaux, Alice. Alors, pour Lina, c'est l'Espagne et l'Amérique du Sud. Johan, à Londres, les Français ont vachement la cote. À Londres. Narco dit la Normandie, c'est un film de cul. Et Karl, dans le sud de la France, les filles sont chaudes. Ouais, moi, je suis plutôt pour le sud de la France aussi, sans déconner, non? Bah, de toute façon, tous les pays un peu chauds, même en dehors de la France, je veux dire, le coin soleil, dans l'Espagne et tout, c'est quand même un peu. Dès que les gens sont en maillot de bain, sont bien bronzés, ça fait rêver. Et je sais qu'on nous écoute sur l'île de la Réunion. J'ai eu des échos comme quoi là-bas, c'était la folie. Si c'est vous vrai. Êtes sur l'île de la Réunion, appelez-nous, hein, 01 42 48 5000. Lucas, notre auditeur du sort, là pour finir, toi, ta destination de rêve pour pécho cet été, c'est laquelle? Eh ben, c'est à côté de chez moi, c'est au Cap d'Agde. C'est du truc à partout, c'est bon. Allez, tout nu. Ah ouais, non, mais là, c'est en groupe, quoi, sans déconner. Ouais, Lucas. Ah ouais, il y a le village en plus, là-bas, c'est de dire chez vous en plus. Hein. Attends, c'est pas parce que t'es à poil que forcément c'est ouvert sexuellement, faut faire la part des choses, justement. Je suis pas sûr que t'arrives à pécho. Il y a des côtés qui sont là. Non mais justement, c'est quoi cette histoire de village? J'en ai entendu parler. C'est des clubs de partout. Il y a des clubs de partout là-bas. On m'a dit quand tu rentres là-dedans, tu vois des hommes à quatre pattes avec la fille derrière avec deux fouets. Ah, mais il n'y a pas que ça. Ah, il y a aussi ça. C'est aussi une philosophie de vie. Il y a des gens qui font ça, mais pas pour le côté sexuel, quoi. C'est juste qu'ils vivent nus. Donc tu vois des gens dans les supermarchés avec juste une banane. Ah, tu l'as pour fait. Pour le portefeuille. Ah, non, j'ai jamais la banane. Fait. Oui, la banane qui est devant, parfois en érection. Voilà. C'est ça. Ah bah ça donne envie de se retrouver à quatre pattes, Lucas, hein, ton ouais, affaire. Ouais, non, pas trop, non. Ah bah t'iras tout seul. La fille, hein. Peut-être, tu vois, mais moi, non. Ok, le Cap d'Agde, en tout cas, on a fait le tour. Sachez que, voilà, on va vous mettre le top 10, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de l'émission, si vous voulez remater tout ça. Merci à tout le monde, à Marc, Benjamin, Francis, bien sûr notre auditeur du soir, Lucas, et dans un instant, c'est Jennifer qui va nous rejoindre. Alors, Jennifer, attention, c'est le gros dos, là, ce soir, t'as 23 ans, t'es à Lille. Qu'est-ce qu'on t'a proposé, Jennifer, toi? En fait, mon boss, il m'a fait une promotion canapé, quoi. Voilà, tu couches avec moi, je t'augmente, je te file un bon poste. C'est ça. Ouais, c'est super chaud et c'est pas du tout légal. Hein. On en parle, mais juste avant, on écoute Beckermatt Baby sur Fun Radio. Baby, Mat sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. We're having fun. Tous les soirs. Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Jennifer est avec nous. Elle a 23 ans. Elle est de Lille. Bonsoir Jennifer. Bonsoir. Salut. Bon, t'as bien fait de nous appeler là. Raconte-nous ce qui t'est arrivé, toi. Bah, en fait, moi, je bosse dans l'événementiel. Et l'année prochaine, il y a un poste de chef de projet qui se libère. Et en fait, du coup, mon boss, en gros, mon tuteur, en fait, il m'a dit, ouais, bah écoute, si on couche ensemble, moi, je te donne le poste. Le problème, c'est que ça fait grosse pécu et j'ai pas envie d'obtenir un job comme ça. Mais il m'aurait, par exemple, proposé de boire un verre et tout pour que, pourquoi pas, dans la vie privée, on sorte ensemble normalement. Bah moi, j'ai oublié, quoi. Ah, d'accord. Donc, en fait, donc, toi, t'es un peu amoureuse de lui. Bah, en fait, à la base, il me plaît, mais en fait, du coup, comme il me propose ça, ben. Forcément, moi, depuis que je bosse là, limite, je fantasme sur lui et tout. Mais en fait, qu'il me propose ça, j'ai pas envie d'obtenir un job comme ça. Donc, je sais pas quoi faire. Donc, en fait, tu voudrais sortir avec lui? Ouais, voilà. Est-ce que tu peux sortir avec un mec qui se comporte comme ça dans la vie? Ça veut dire, je vais te dire, je sais pas, tu fais comme tu veux. C'est... Oui, si simplement pour t'amuser, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il te propose ça à toi, tu vas pas être la seule. C'est énorme. Bah oui, c'est ce que je me suis dit, en non, fait. C'est du harcèlement sexuel, purement, et c'est bon, heureusement puni par la loi. Imagine qu'il y en a pas mal qui sont très choqués, toi la première. Même, tu sortirais même si c'était en dehors du boulot avec un mec comme ça? Bah non, s'il m'avait par exemple jamais proposé un truc comme ça et qu'il le proposait à personne, moi j'aurais bien voulu sortir avec à la base. Sa boîte, c'est sa boîte ou c'est pas sa boîte? Non, en fait, c'est une grosse chaîne où on a plusieurs boîtes un peu dans des grosses villes. Ok. D'accord, donc... On va pas dire ce que c'est, Doc. Non, dire ce que c'est. Mais d'abord, ça arrive fréquemment, je suis désolé de le dire, c'est parfaitement scandaleux. Après, c'est à toi de voir, bien évidemment, mais du coup, il s'y serait pris autrement, bon, peut-être. Il est en couple, en plus. Non, je pense pas. En tout cas, il n'a pas d'alliance, quoi, donc... Attends, des mecs comme ça ne parlent jamais de leur vie privée. Ils ont forcément une vie privée. Leur idée, c'est de leur façon de faire, c'est de cloisonner. C'est-à-dire, j'ai ma vie d'un côté, puis mes petites affaires à droite, à gauche, et mon boulot où je vais me servir, comme dans un supermarché. Moi, je sais pas. Tu fais comme tu veux, mais il faut savoir lui dire non. J'ai peur que, admettons, par exemple, je lui dis que, moi à la base j'étais vue sur lui, mais que je veux pas faire ça pour le boulot, ouais. Et qu'au final, je l'obtiens quand même. Que tous les collègues me disent, ouais, elle a eu le boulot parce que justement elle sort avec. Enfin, ouais, c'est mal. C'est trop compliqué, du coup. Je me dis, je vais vous appeler et tout. Est-ce que dans ton boulot, c'est vraiment une très forte promotion ce que tu fais là? Ce qu'il te propose? J'ai pas compris. Est-ce qu'il te propose par rapport au boulot que tu as actuellement, est-ce que c'est vraiment une belle promotion ou pas? En fait, ouais, parce que là, comme je vous l'ai dit, je suis dans l'événementiel, mais là, c'est pour passer en chef de projet Très bien, je vais te dire une chose. Très simple. Tu vas le voir, tu lui dis, écoutez, voilà. T'es cash, tu vas être cash. Et moi, je ne travaille pas, je couche pas pour travailler. Donc, c'est pas possible. Mais vous faites comme vous voulez. Il faut être cash. Mais on peut aller boire un verre, mais déjà, vous me donnez le boulot et on voit. Mais si vous me demandez de coucher pour avoir le boulot, c'est même pas envisageable. Tu dois lui dire cash, les yeux dans les yeux. Ouais, mais t'es pas obligé d'engueuler. Voilà, tu lui dis, c'est pas... un mec. Ça me ferait chier de me dire que c'est pour mon cul que j'ai eu le boulot et pas pour que j'ai les compétences. Ouais. Bah ouais, mais bon, parce que tu t'es peut-être pas déclaré aussi avant. Si tu lui avais dit que tu le kiffais, peut-être qu'il t'aurait pas proposé ça non plus. Je sais pas. Et d'autre part, tu as raison avec toi, parce que je suis d'accord avec toi, tu as totalement raison. C'est dégradant de penser qu'on a un boulot, non pas pour ses qualités que tu as probablement, mais simplement parce que tu as couché avec lui, ce qui prouve qu'il n'est pas très consciencieux, le garçon. Franchement, même, admettons, pour ma carrière professionnelle, si ça s'entend dans d'autres boîtes, enfin, j'ai l'air de quoi, moi. Non, mais bien sûr, franchement, Alice, on te propose un truc comme ça, je suis sûr que. Ah, bah, j'ai donné, moi, pour être ici. Non, franchement, moi, je me barre. Avec qui c'est lequel je ne donnerai pas de nom, il y en a tellement. Ouais. Et non, franchement, moi, je me barre d'un boulot comme direct. Ça. Ouais, je me barre parce que finalement, je me rendrai compte que la politique de ton directeur n'est pas du tout en adéquation avec ta manière de bosser, quoi. Parce que demain, enfin, aujourd'hui, c'est ça, mais demain, il va se passer quoi? Tu vois, tu vas avoir le poste, il va y avoir d'autres trucs. C'est ce que je me dis, en plus. Hein. Donc, du coup, je m'étais dit, si vraiment ça continue à partir comme ça, je peux contacter le patron des patrons et voir si je peux être muté ailleurs. Eh ben, parce qu'en fait, le patron des patrons, il est génial, quoi. Donc, c'est lui, en fait. Moi, je te conseille ça. Franchement, l'autre, tu lui dis clairement ce que tu penses de lui. S'il essaie de te virer, tu vas en parler. Ouais, genre limite, j'enregistre et tout, non? Ouais, alors c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est pas con, ça. Ouais, tu enregistres comme ça, t'auras une preuve. Juste, quoi? C'est pas une preuve et t'as pas le droit d'utiliser un enregistrement. Mais oui. Genre un témoin, il me faudrait peut-être une collègue. Tu peux, dans le privé, mais juridiquement parlant. Ah ouais? Ça marche pas? Mais dans le privé, ça peut toujours faire un moyen de pression auprès de supérieurs. Débrouille-toi pour qu'il t'envoie un SMS. Attends, je comprends pas pourtant, dans les affaires là, qui passent à la télé, tout ça, il y a des enregistrements vidéo, des photos. Oui, mais vidéo. Ils s'en servent, quoi. Vidéo, c'est peut-être différent. Que... J'ai attendu une enquête et c'est autre chose. Sinon, je vais faire des petites vidéos. Mais Jennifer, franchement... Mais fais gaffe, parce qu'en plus, t'es hyper vulnérable, parce que t'as l'air de le kiffer, ce mec-là. Donc, tu vas te faire avoir pour rien, bêtement. Ah bah, c'est sûr qu'elle va accepter. Hein. Bah, en fait, j'ai trop la mauvaise position de ouf. Là. Mais tu peux pas lui dire simplement, écoute, moi, tu me plais et tout, mais voilà, quoi, c'est ça. C'est ce que tu disais un petit peu. Moi, je te pose la question, je te la repose. Est-ce que tu peux vraiment être... trouver que ce mec est respectable parce qu'il te propose ça. Déjà, c'est vraiment, ça débecte. Ouais. C'est vrai que la proposition, barrer, quoi. La proposition en elle-même, elle est chaude. Lucas, notre auditeur du soir, qu'est-ce que t'en penses, toi? De quoi? J'ai pas d'idée, je sais pas là. Je t'en fous. Lucas, t'as un avis sur le truc? T'es avec nous ou pas, Lucas? Ouais, là, c'est bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'elle devrait. Elle entre trois autres, des mecs. Il n'a pas écouté. Non mais il pense, il faut pas. C'est pas ça. Elle en trouve pas d'autres des mecs. Il faut surtout pas qu'elle accepte le boulot ou qu'elle couche avec lui dans les deux cas, c'est ça? Ah non, qu'elle accepte ou pas, non. Attends, on va rigoler. Lucas, tu peux nous expliquer pourquoi Jennifer appelle? Ben oui, parce que il y a son supérieur qui veut la faire, qui veut baiser avec elle, en gros. Ouais. Pour la faire évoluer dans le travail. Bravo Lucas, j'ai été mauvaise langue. Jennifer, ouais. tu nous tiens au courant, on prendra de tes nouvelles, d'accord? Ouais, y'a pas de problème. Hein, là, comme c'est le week-end, du coup, peut-être plus la semaine prochaine. Parce que je vais en parler demain, je vais en parler à ma copine et puis on va voir quoi. Ouais, après. Te laisse pas faire. Ouais, carrément. Ce type, mais je te le dis. Je peux pas, hein, parce que j'ai pas envie d'être sale en fait. Non, mais c'est tu vas pas le faire, la question ne se pose même pas. Je vais être très clash avec toi, ce mec est extrêmement malsain. Ça commence comme ça, puis après, on sait pas ce qu'il va te demander, si tu commences à accepter ce genre de choses. Ouais, mais je suis trop dégueulé. Franchement, il est trop charmant et tout, physiquement et tout. Quand on lui parle, il a l'air pas con. Eh ben, quitte ton boulot, tu couches avec et puis non, c'est mais fini. C'est pas parce qu'il est très séduisant que c'est un mec bien. Te fait bah ouais, c'est un con. Ouais, je suis trop dégueulé. Ça se trouve, il est nul au lit. Tu sais pas, ça se trouve. En plus, ouais. Et ça se trouve, il y a un homme tout petit geg. Si tu veux te manquer de lui, tu lui dis, j'ai des copines qui m'ont parlé de toi. Bah, franchement, pour demander à quelqu'un de la boîte pour niquer avec, il doit pas avoir beaucoup de conquête derrière. Franchement, on va dire ça comme ça. Jennifer, tu nous tiens au courant en tout cas. On aime bien savoir après comment ça se passe. Hein, d'accord? Problème, je vous rappellerai. Bon, et c'est nous qui t'appellerons. On te fait des gros bisous, Jennifer. Salut, ma chérie. Gros bisous, merci encore, salut. Gros bisous. Et Loris est avec nous, 18 ans de Paris. Salut, Loris. Salut. Salut, Doc. Salut, Karen. Salut, Alice. Salut. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, Loris? Bah, en fait, je vous appelle parce que j'ai préféré me masturber que de coucher avec ma meuf. Ah ouais, il y a un problème là, clairement. Hein. Ouais. Tu bouges pas, on en parle dans un instant, Loris. 01 42 48 5000 pour réagir, bien sûr. Et Afrojack, David Guetta. C'est ce qui vous attend, à tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Loving Fun. Tous les soirs, 22h minuit, Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. Salut, c'est Marion et Anso. Cette semaine, à l'occasion de la sortie du single de Martin Jensen, Solo Dance, on vous offre votre enceinte sans fil Bose. Et au fait, Marion, à ce propos, j'ai un truc à te dire. Quoi? Je suis enceinte. Non, t'es sérieuse? Ah oui? Mais sans fil. Je suis géniale. La barbe. Tous les soirs, 22h minuit, here we go, Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. Soche présente. Chérie, j'arrive enfin à prononcer Soche. D'accord, c'est très bien ma chérie, mais essaie de dire c'est super cette promo chez Soche. C'est super cette... C'est super cette promo Soche. Comment? Jusqu'au 26 juin, profitez du forfait 40 gigas à 9,99€ par mois pendant un an, puis 24,99€ par mois avec le code SUPER. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Rendez-vous sur soche.fr. Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99€ par mois. Détails sur soche.fr. Salut, c'est Marion et Anso. Vous voulez devenir le youtubeur de demain? Alors participez au grand casting Ta vie puissance Yop. Postez vos vidéos et faites voter vos potes. Les 10 meilleurs participeront au show final sur la scène du Trianon avec les youtubeurs Tonio Life, Théo Gordy et Shake Up. Rendez-vous sur yop.fr et conditions aussi sur yop.fr. Fun Radio présente le premier festival 100% électro du Sud-Ouest. Summer Sound Festival. Du 3 au 6 août à la Corderie Royale de Rochefort. Retrouvez sur scène les plus grands DJ. Martin Solveig, Don Diablo, Afrojack, Cashmere, Dylan Francis, Madeon, Félix J, Lumberjack et plein d'autres. Et le dimanche 6 août, Party Fun Live exceptionnel avec Florian Picasso, Henri PFR, Damien Hendrix, Klossmann, Adrien Thomas et Maëva Carter. Let's make some noise. Infos et réservations, point de vente habituel. Summersound.fr et funradio.fr. Summer Sound Festival avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Préparez-vous pour le plus grand bad buzz du siècle avec Eric et Quentin, les deux zozos. En 2017, on dit plus zozo, ça va faire un gros bad buzz. Ouais, mais le vrai bad buzz, c'est actuellement au cinéma. Dis-moi, t'as pas mal à la gorge en ce moment? Si. J'ai des pastilles, si tu veux. Ah, je veux bien. Pardon. Bad buzz, actuellement au cinéma, avec Fun Radio. Merci d'avoir fait tomber mon téléphone dans les toilettes, la soirée mythique. Et merci d'avoir renversé mon cocktail sur Pierre. Sans ça... on se serait jamais rencontrés. Merci maladresse. Rencontrez-vous aux soirées mythiques en téléchargeant gratuitement notre appli. Mythique. Love your imperfections. Alibi.com en DVD et Blu-ray. On part du principe qu'un petit mensonge fait moins de mal que la vérité. Par les créateurs de Babysitting. Ce sera le 30e anniversaire de notre mariage ce week-end. Et Gérard sera même pas là. Ah bon? Blou-blou. Alibi.com, la comédie de l'année en DVD et Blu-ray. Et à l'achat et en location, en vidéo à la demande sur la TV d'Orange. Avec Fun Radio. Vidéo à la demande pour les clients internet TV d'Orange. Tarifs et conditions sur orange.fr. Emmenez Fun Radio partout avec vous. Avec l'appli Fun Radio. Fun Radio. Sur iPhone. Connect. Écoutez Fun Radio. Partout, tout le temps. La radio connectée avec vous sur Twitter, Instagram et Snapchat avec le compte Fun Radio FR. Restez connectés avec la famille Fun Radio. Fun Radio, c'est ça. Fun. Le son dance floor. J'ai pas ma place dans tes nuits solitaires, tes sourires amers. J'essaie de capter ton atmosphère, je retombe en arrière. Comme une ombre, une éclipse, tu t'éloignes de moi. Et mon âme se consume, je me noie. Je deviens fou. And I feel like I can go on. And I feel like it's going strong. And I wonder. And I wonder. And I feel like I can go on. And I feel like it's going strong. And I wonder. Dans ton brouillard, et j'en crève encore. Je t'ai cherché. caché si longtemps au hasard que je perds le nord. Comme une histoire qui glisse, tu t'éloignes de nous. Tu me condamnes et j'assume, mais j'avoue, je deviens fou. And I feel like I can go on. And I feel like it's going strong. And I wonder, and I wonder. And I feel like I can go on. And I feel like it's going strong. And I wonder, and I wonder. Tu t'éloignes de moi, de moi, de moi. Et mon âme se consume, je me noie. Comme une histoire qui glisse, tu t'éloignes de nous, de nous, de nous. Tu me condamnes et j'assume, mais j'avoue, je deviens fou. And I feel like I can go on. And I feel like it's going strong. And I wonder. Je deviens fou. And I wonder. I wonder. And I feel like. Et du fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio. On regarde vos messages sur les réseaux sociaux. Hashtag Love in Fun sur Twitter, la page Facebook de l'émission Love in Fun. Les snaps aussi, on les ouvre même en direct pendant l'émission. En prenant le risque, bien sûr, de tomber sur un message que je vais donc automatiquement censurer. L'Italia nous dit je vous vois en direct et vous êtes beau. Ah bah merci beaucoup l'Italia, ça fait plaisir. Il y a Jean qui nous envoie un petit message aussi. Enfin vous êtes de retour, je vous adore trop. Est-ce que Alice peut me faire une bonne dédicace? Ah bah voilà. J'ai eu peur la demande. une bonne dédicace. Posé en train de vous écouter, c'est Mister Griezmann qui nous envoie le message. Il y a Kikou qui vient de nous envoyer un message là à l'instant qui dit comment vaincre sa timidité Doc. Ça c'est important, mais ça dépend, on ne peut pas faire de généralité. La timidité est qu'une qualité. Parce qu'effectivement, on est sur la réserve. Mais à un moment donné où ça paralyse, on ne peut plus exister, on ne peut plus rien faire. Dans ces cas-là, soit une psychothérapie dans certains cas, mais le théâtre, des activités comme cela où on s'expose, le chant, ça peut aider beaucoup à vaincre cette timidité. On a Félix aussi qui nous envoie un petit message qui dit vous êtes les best, continuez comme ça. Bah merci beaucoup en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Allez-y, lâchez-vous hein, sur le Twitter, le Snapchat, la page Facebook. Il y en a Loris qui est avec nous. Il a 18 ans à Paris. Salut Loris. Salut. Salut Karen. Salut. Salut Loris, tu nous appelles pourquoi toi? Bon, en fait, moi je vous appelle parce que du coup j'ai préféré me masturber plutôt que de coucher avec ma meuf. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, c'est normal. Oui, mais t'as fait combien de temps? T'es amoureux d'elle ou pas? Bah oui, ça fait 3 ans qu'on est ensemble et bah genre le week-end il y a la maison donc vient de dormir une ou deux nuits, on fait l'amour et tout, il n'y a pas de problème, franchement elle est hyper hyper bien au lit, mais quand elle n'est pas là quoi, je me masturbe souvent et limite je préfère me masturber que de baiser avec elle. Ah attends, parce que franchement quelle est la différence, raconte, parce que là énorme la différence. Mais je peux donner une explication en fait, bref, mais bon. Vas-y Loris, dis-nous, qu'est-ce que tu ressens quand toi tu te masturbes que tu ressens pas avec elle quand tu la pénètres? Bah je ressens plus de plaisir. Mais bien sûr, parce que t'es plus dans tes fantasmes. À quoi tu penses quand t'es seul? Je pense à des actrices de films X comme Angel Summer. Ouais. Alors que quand t'es avec elle, tu penses à quoi? C'est une copine en plus. Je pense à elle, parce que je l'ai en face de moi, donc c'est difficile de pas penser à elle. Mais justement, il faut pas t'interdire les fantasmes dans une relation sexuelle, même si ça peut choquer certains. Pas obligé non plus de lui dire, mais les fantasmes, ça marche dans tous les cas. Mais vous vous lâchez au pieu un petit peu, Loris? C'est pas un peu... Oui, pas tout, ouais. Ouais, ça veut dire quoi? Par l'arrière. En arrière? Non, par devant et par l'arrière. Par devant et par l'arrière. C'est quoi par l'arrière? Ouais, c'est la sodomie ou c'est la levrette? Bah oui. Les deux. Vous faites la sodomie et tout, quoi? Ouais, bah au bout de 3 ans, oui, quand même. Ah bah non, non, je suis désolé. Il ouais, y a des filles qui n'acceptent pas et qui n'aiment pas ça, quand même, je te le dis. Il y a des mecs aussi, donc. Hein, aussi. Moi, j'aime pas ça, tu mets pas ton truc dans le trou de balle, hein, sans déconner. Ah bah dit comme ça, ça fait rire. Ah bah, écoute, non mais sans déconner. Ah mais moi, je passe pas par l'entrée des artistes, hein, je trouve ça dégueu. Non mais après, il y en a qui aiment bien, hein. Alice, t'as essayé? Oui, j'ai essayé une fois, mais voilà. Mon grand problème, c'est que ça ne passe pas, ça ne veut pas. Ah, voilà. Et de toute façon, c'est pas spécialement mon délire, ni celui de mon chéri, donc c'est pas plus mal. Mais moi, je trouve ça aide. Je trouve ça complètement anormal de préférer se masturber avec sa meuf. L'explication, je l'ai donnée, mais je la redonne. Mais il se met la pression. Non, il se met pas la pression. Il se limite à elle, bien sûr. Quand il se masturbe, il a une imagination, des fantasmes énormes, donc ça lui procure beaucoup d'excitation. Quand il est avec elle, les fantasmes sont au point zéro. Voilà. Parce que franchement, la sensation de ta main sur ta teub et la sensation quand tu pénètres une nana, ben franchement, il n'y a pas photo, quoi. Mais sauf que dans sa tête, tu ne sais pas ce qui se passe. Ouais. Et à mon avis, c'est chaud. Ah, mais dis, putain, Loris. Mais j'ai une question, Loris. Est-ce que ça te fait la même chose quand c'est elle qui te masturbe? C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Donc tu préfères la masturbation que la pénétration? Oui, mais en fait, j'ai oublié de rajouter quelque chose, c'est que donc, quand je me masturbe seul, je me masturbe devant des films X. Hein. Ouais. Ah, bien sûr, oui, évidemment. Donc ça change tout. C'est sûr qu'elle ne fait pas la même chose. Mais qu'est-ce que... Et alors, qu'est-ce qui t'excite dans les films X? Je sais pas, c'est tous les trucs insolites qu'on peut pas faire au lit avec elle. Non, mais c'est du cinéma, c'est la première chose, et c'est pas la réalité. Tu sais que les gens font pas l'amour comme ça quand ils font l'amour. Simplement, c'est fabriqué pour procurer une très forte excitation à bon compte, facile. C'est pas compliqué. Et c'est pour ça que les gens regardent, pour avoir des sensations plus fortes. Il y a une question d'équilibre quand tu fais l'amour avec quelqu'un, c'est le plaisir évidemment que tu partages, que tu lui donnes, et la capacité à inventer cet érotisme qui procure du plaisir. C'est-à-dire que ça, ce que je te dis, ça demande plus d'effort que de regarder un film porno, parce que ça c'est facile. Tu appuies sur le bouton, pouf, le film porno sur ton téléphone. Et, alors que trouver des scénarios avec ta copine... Cultiver l'érotisme, inventer des scènes, ça demande un peu d'effort, tout simplement. Donc il va falloir bosser là-dessus, Loris. Ou alors tu regardes des films porno en faisant l'amour avec ta meuf. Mais bon, là, c'est chaud. Ouais, mais elle risque de mal le prendre. Ouais. Ah bah, tu m'étonnes. Bah oui. Donc il faut travailler là-dessus, Doc. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, dans la relation sexuelle, vous pouvez tout à fait inventer des scénarios. On peut tous permettre, à condition que les deux soient d'accord, bien évidemment, dans la relation sexuelle, et même savoir inventer. Alors que là, on a l'impression, bon, d'accord, il y a des positions, mais... Je l'ai compris, mais il n'y a pas de scène, de mise en scène. Mais c'est quoi tes mises en scène, Doc? Je ne sais pas, elle peut se déguiser ou jouer un rôle particulier. Ah. Katoche est en infirmière? Mais je ne parle pas de ma femme. Ah oui? Mais j'ai remarqué que Doc, il parlait souvent de scénario, et je pense que le soir, quand il rentre et tout, il doit se déguiser en Peter Pan, le mec. ou Capitaine Crochet. Oui, c'est ça, avec mon crochet. C'est ça. Mais les scénarios, écoute, cultiver les fantasmes, tout ça, Loris, ça passe par là. De l'imagination et des efforts. D'accord? Ouais, parce qu'après, du coup, j'ai vu des bonnes idées pour faire l'amour de manière insolite, mais je n'ose pas lui proposer. C'est quoi? Par exemple, j'ai déjà vu une scène de cul où en fait, ils font l'amour sur un ballon gonflable, les gros ballons de gym. Je voulais bien le faire avec elle pour que ça soit un peu insolite. Tu vas galérer, à mon avis, c'est un truc à sauter la gueule. Ça a l'air super, ce truc. Il faudrait que tu sois au tournage et que tu vois la tête des acteurs. Mais c'est clair. Ça te refroidirait direct. C'était des idées de dingue, quoi. Je peux te dire que les acteurs, ils souffrent. Bon, bref. Bah oui, oui. Angel Summers, tu parlais d'elle d'ailleurs, Loris. Ouais. Elle a arrêté, ça fait longtemps maintenant. Hein. Ah ouais, je suis toujours tombé sur ses vidéos, donc je regarde de temps en temps. C'est pour ça, ouais. Non, mais je peux t'assurer qu'elle, qui fait plus du tout le truc, quoi. Ouais, Karel a bien parlé avec elle, il a réussi à lui faire arrêter les choses. Bien sûr, Angel. Parce que ça le gênait de l'avoir nue dans les. C'est quand même une amie. Une amie avant tout. Gros bisous, Loris, salut à toi. Salut, poteau. Anthony est avec nous, 16 ans de Châteauroux. Salut, Anthony. Salut, Karel. Salut, Doc. Salut, Ali. Anthony, selon le timing, on a 2 minutes à t'accorder. Ah ouais, je vais faire vite alors. Allez, vas-y. Je vous appelais, c'est parce qu'en fait, je voulais savoir pourquoi j'arrivais mieux à me rentrer à droite dans mes fesses quand je suis dans mon bain. Ah, ça, c'est une bonne question. Avec l'eau, Doc, forcément, non? Parce qu'il est beaucoup plus détendu dans son bain. C'est pour ça. Et donc, il contracte pas son anus. Ah, bah voilà. Hein? Eh bah oui, Anthony. Hein? C'est parce que tu contractes d'habitude. Bah non, mais attends, j'ai essayé dans mon lit le lendemain, je contractais pas et mon doigt, il est pas rentré si facile. Mais c'est inconscient. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux Mais c'est juste pour essayer, pour le délire. Enfin, je sais pas, une fois, je me suis dit, je vais essayer de me rentrer le doigt dans les fesses et c'était dans mon bain. T'as déjà imaginé te faire sodomiser, non? Bon, jamais de la vie. Ah bon? En même temps, mettre un doigt dans son anus, on a Je suis sûr, mais tout le monde l'a fait au moins une fois, c'est normal, on a le droit d'essayer, quoi. Bien sûr, c'est juste pour savoir. Non mais tout le monde a essayé, ça je suis d'accord. Oui mais bon voilà, en tout cas ça me paraît plausible. Tu es plus détendu sans t'en rendre compte. Voilà. Le vrai problème, c'est pas d'essayer, c'est de sentir son doigt juste après. Ah, tu vois, bah dans le bain. Je suis sûr que vous le faites. Ça c'est prendre un risque. Ah. Le pire, c'est quand t'as la diarrhée la veille. Ah. Mais vous savez que là-dessus, les gens qui font ça et c'est réputé ne sont pas écœurés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est leur propre odeur. Ah. Il y a quelque chose d'inconscient qui est lié aux soins qu'ils reçoivent quand ils sont bébés. Bah, des fois, j'aime bien péter sur ma main et sentir. Bien sûr, tout à fait. Parce que, inconsciemment, il y a cette odeur de fesses, c'est-à-dire F-E-C-E-S, de matière. Parce que quand ta mère te changeait tes couches, elle, c'était agréable et tout ça. Et donc, l'odeur est associée à des soins qui pouvaient être agréables. Et donc, du coup, ça reste un petit peu dans ton inconscient sans le savoir. Voilà. Anthony nous a appelé. Il aime bien son caca. Salut, Anthony. Salut merci. À toi. Il est trop fort, Anthony, j'adore. Il se pète sur la main et sent après. Un peu crade, quoi, quand même. Ouais, non, un peu, ouais. Lucas, notre auditeur du soir, c'est lui qui va terminer l'émission. Lucas ? Ouais, je pourrais faire une dédicace, s'il te plaît, ou pas ? Bon, vas-y, Lucas, vas-y. On te laisse la fin de l'émission, tu peux tout faire. C'est ton émission, vas-y. Ah, je peux tout faire, envole-toi. Alors déjà, je vais faire une dédicace à tous ceux qui m'écoutent, Mathis, Benjamin et Vincent qui m'attendent pour l'apéro. Ouais. Et après, tous les collègues qui m'écoutent et à l'Ultra Club, là où je travaille. Et ben voilà, on les embrasse. Voilà.